Direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 11 de la saison 2015-2016 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 75, JF Combe, le numéro 98, Alex Galipo, et le numéro 31, JF Mallette. Hey! Méga désavantage numérique. Double désavantage, même triple. Il y a des gens qui nous ont dit sur Twitter, ouais, il y en a qui sont déjà partis jouer au golf, la saison achève. Mm-hmm. Puis la saison achève pour vrai parce que c'est l'avant-dernier épisode de la saison pour la soirée du podcast. Il nous restera notre post mortem le 15 avril dès 20h. C'est loin, manquez pas ça, on va dire exactement ce qu'on t'a rien dire en ce moment. Puis c'est dans les 4-5 derniers shows qui se passent rien que le Canadien. Mm-hmm. Là. On va faire comme RDS le bulletin des joueurs. Là, puis, ouais. En fait, ça risque plus de ressembler qu'est-ce qui va se passer à TVA Sport pendant la date limite des transactions. Il va se passer rien pendant 2 heures. Ils vont perdre l'argent là-dessus. Les autres avec pas de playoff en onde. Ben non, ils diffusent tous les playoffs de toute la ligue. Ouais, mais tout le monde s'en calisse. Ouais, mais c'est pas grave. Il va en avoir qui l'écoutent. Bah, il y a des fans de Blackhawks, puis les fans de. L'autre, puis. C'est ça. C'est les fans des Blackhawks. Boston, ouais, font-ils les playoffs? Ils font-ils les playoffs, je sais pas. Qui ça? Boston? Moi non plus. Ah, j'ai remonté le micro à Jeff. Hey, oui. Ça montre comment on suit le hockey de nos jours. J'ai monté le micro pendant qu'il rotait. C'était excellent, ça. Ça fait un crescendo de rate. Mais non, Boston fait des playoffs. Ah, good. Ouais, et voilà, ouais, ben, ouais, les fans de Boston. Ottawa. Les traites vont écouter ça. Ottawa. Ouais, fait qu'il nous manque 3 joueurs ce soir. Dave, Martin et Alex Combe. Martin et Alex, je sais pas ce qu'ils font. Dans le cas de Dave, ça sent pas bon. Bon, on va aller voir l'avant-match. Allons-y avec les positions du pool. Dave, qui est pas là, fait que c'est moi qui vais y faire. En première position, encore une fois, Doug Jordan, le gars de Suisse qui va nous coûter cher de shipping pour envoyer le T-shirt, si ça continue comme ça. Il va juste avoir le T-shirt. Ouais, il nous a contacté en plus sur Twitter cette semaine pour savoir, ouais, votre pool, est-ce que ça finit bientôt? Ça continue les playoffs? Non, ça s'arrête avec la saison. Puis, fait que tu vas gagner, gros, man. T'es en bonne avance. Bonne position pour gagner. Position numéro 2, Bruno David. Position numéro 3, Alex Girard. Numéro 4, Sébastien Giacometti. Et numéro 5, Jason Cavallaro. J'ai descendu encore. Quoi. Alex Galipo, numéro 6. Alex Crompe, numéro 10 plutôt. Martin, 11. Moi-même, 14. Puis sinon, on descend. Six bois. Dave est 31e et JF, t'es 37e. Sur 40. Sur 42 et dans la cale, encore une fois, JS Chapelot qu'on salue. Depuis le début de la saison, il ne s'est jamais sorti. Y a-tu pris des joueurs? Je sais pas, mais là, je m'en dis, on n'est pas vraiment en mois d'avril encore. Fait que j'ai pas fait mon trade. Mais ouais, faites votre trade du mois de mars, c'est pas fait, ça pourrait vous aider. J'ai arrêté. Ouf, moi, c'est ça, j'en ai pas fait un de l'année. Mais, Non, j'ai oublié. J'étais du coup. On en parle aux 2 semaines. C'est oublié. Oublié. Bon. Sinon, on fait des gommes ne renverse pas encore une fois ta bière sur tes culottes, Alex. Non, là, ça va être de l'eau. Ouais, on vous invite encore une fois à consulter les Mallettes Enquêtes sur notre YouTube, Facebook, Twitter aussi. Hashtag Mallettes Enquêtes. Le show que tout le monde parle de même. Ouais. Mais c'est comme un peu de latitude à donner, parce que vu qu'on est des genres de vlogueurs scoop, là, qu'on a des informations privilégiées, ça nous prend de latitude. Ouais. On est le fast-food du hockey. On est le fast-food de bien des affaires, je te dirais. Ouais. Fait continuer à suivre ça. Sinon, 2 trucs à dire avant de commencer. RZO, allez faire un tour là-dessus, il y a une méga update aujourd'hui. Créez-vous un compte. Ah, c'est fait. Yeah! Fait que, ouais, les comptes vous permettent de garder en mémoire le podcast que vous écoutez dans la. Où vous étiez rendu dans le temps, dans le fond. Là. Fait que, enregistrez-vous, loguez-vous, faites pause, puis quand vous revenez, ça va être à la même place. Ouh. Une belle update. Puis plug pour les mystérieux étonnants, ils font une campagne Indiegogo en ce moment pour se construire un studio, eux autres. Là. Really? Que, ouais, ils quittent Choc FM, ils vont avoir un propre studio, au studio Luna, qui va avoir une salle. Cool. Fait qu'ils ont besoin de financement. Ben, allez chercher les mystérieux étonnants sur Indiegogo, puis allez les aider à passer au prochain step. C'est cool, le podcasting va bien ces temps-ci. Là. Ouais, ben des mentions, ils en ont parlé à Énergie dans le show à Salvaille, ils en ont parlé un peu partout, ils en ont parlé, ils ont plugué RZO à entrée principale avec André Robitaille, ouais, cool. Fait que c'est un beau temps, fait que c'est le temps de les encourager. C'est un beau temps, bon temps. Beau temps, bon temps, puis les mystérieux des pionniers du podcasting depuis 10 ans, fait que encouragez-le. Ouais. Sur ce, on va commencer la première période. Et de quoi est-ce qu'on parlerait bien? Est-ce que c'est un avant-match? On va tout parler à part de hockey. C'est pour ça que ça s'appelle l'avant-match. C'est ça. Fait que j'ai quatre sujets, puis vu qu'on est trois, on va s'entendre parler aujourd'hui pour une fois. Fatigants sont pas là. Ouais, ceux qui se parlent en hors micro, ouais. Là, puis qui parlent dans leur biais. C'est une conversation. Il faudrait séparer les autres, Dave puis Mert. Ouais, il faudrait que je le mette là, puis moi j'aille l'autre bord. Ouais, exactement, c'est fini, Calis. On va voir ça l'année prochaine, peut-être. C'est tellement dur. Il faut faire un plan d'un an. Ah, mais c'est parce qu'il faut convaincre Dave qu'il change de place. Puis, on va commencer par parler de Galchenyuk. Galchenyuk, il est-tu prêt finalement? C'est notre 5 minutes, là, ça. Ouais, j'aimerais t'entendre parler là-dessus. Parce que tantôt, on va entendre rien commenter sur Galchenyuk. Il est super. Pour de vrai, présentement, j'ai rien à dire. 20 pièces. Mais il est pas prêt. Il est encore pas prêt d'être. Encore pas prêt. Non? Oh, tabarnak. On l'a pas prouvé encore. Ah, oh, c'est facile, là, en fait, saison, plus de pression, plus rien, on score des buts. Il y a 9 buts en mi-game. Bah, ok, mais fais-moi ça en début de saison, fais-les plus, comme... Quand il y a la pression, quand il y a la pression, puis tout, quand ça compte, là. Présentement, il s'enligne peut-être pour aller vers une saison de 30 buts. Ok, mais la saison, vaut plus rien, il n'y a plus rien en jeu, non, c'est facile je de sais, jouer mais de même. Oui, mais pourquoi que les autres ne forceraient pas le cul? Pourquoi qu'à début d'année, ça marchait pas, là, puis là, ça marche? Ça marche là. Faut-tu blâmer les alliés? Parce que... La saison est allée de même, avec des alliés comme c'est Semin, ça. Quand c'était important, arrêtez-moi ça avec les alliés. Non, mais il allait quand même bien. Il était pas si pire que ça en moitié de saison. Après ça, il y a eu le relâchement où tout le monde n'allait pas bien. Galchenyuk, entre autres, puis il jouait à peu près 10-12 minutes par game. Je dis pas qu'il est pas bon, là. Je dis juste qu'il me l'a pas encore prouvé à 100% sûr. Ouais, mais mettons qu'il s'en va dans la bonne direction. Oui, absolument. Parce que, je dis juste qu'il est pas encore prêt. Ouais, mais regarde. Présentement, là, il y a des meilleurs chiffres que Plekanec, 20 piastres. Non, je vais être bien content de te le donner pour le 20$. L'issue de ce bet au post-mortem, ne manquez pas ça. Mais ouais. Pour le vrai, GF, c'est comme mec, c'est avant. T'sais, là, je veux dire, la saison, il peut rien. T'sais, l'équipe, la moitié, c'est Chris et les Ice Cap. Ah oh, ouais. Je veux dire, tu sais, je veux dire. Ouais, mais je pense qu'il y avait 11 joueurs des Ice Cap cette semaine. On perd 4-1, ils scorent un but. Je veux dire, ça veut pas dire grand-chose. Ouais, c'est-tu vraiment les deux des. Moi, là, ce que je vois, là, c'est un gars qui se force même si la game est finie. Mais il était pas sur le bord de battre un record cette semaine, la semaine passée, lui. Ouais, le record de Maurice Richard. Égaliser le record de Maurice Richard. C'est un modello qui parle. Maurice la Molasse Richard. C'était comme 4 games en ligne où ce qui comptait 2 buts. Ouais. Mais il l'a pas fait. Non, il l'a pas fait. Ben, il est pas prêt. On a joué comme des graines contre le Wild. Une chance à réussir qu'il batte un record de Maurice dans Richard. Une saison aussi merdique. Ça reste que c'est Maurice Richard. Ouais, c'est ça. J'aime mieux Maurice que Galchenyuk. C'est pas pour ça que j'ai dit ça. Là. C'est parce que comme, ça aurait été un exploit qu'il réalise. Ben ça aurait été le fun que les gens vivent un égalisé de record ou quelque chose dans le genre cette année. Ah, là. Ben c'est on a eu une merde. On a eu un début de saison pour les 9 games en ligne que je m'en souvenais plus. Les 9 games qui nous ont fait penser qu'on avait un bon team en début de saison puis ça a tout chié par la suite. Là. God, yes. Pour vrai, il m'impressionne. J'espère que l'année prochaine, il peut continuer à faire la même affaire. Puis jusqu'à temps qu'il le fasse, mais pour moi... Mais ça va bien aller parce que Dernay... Il n'a rien prouvé là, tant qu'il ne l'a pas fait. Dernay, oublie ça. OK, 26 points, là, c'est, il est rendu 5e centre. Lars Eller, t'as Plekanec, puis t'as... C'est qui l'autre? T'as Dano, t'en as plein d'autres. Galchenyuk, là, excuse-moi, là, mais c'est dans les deux premières lignes avec Plekanec mais à date. Je suis tout à fait d'accord. Là. Mais il n'a pas encore prouvé... Qu'il va être notre premier centre. Mais pourquoi il débloque en ce moment de bord? Parce qu'il n'y a plus de pression. C'est la pression. C'est-tu il n'y a plus de pression. D'être au centre, de jouer avec Paggio. Ben, c'est pas vraiment Paggio qui le fournit. Non, c'est lui, il fait tout ça. Ouais, d'après moi, ce qui est arrivé, c'est que ça, comme, mettons, quand tu as moins de pression sur le dos, puis ça donne qu'il joue aussi plus longtemps. Ouais, il joue, parce qu'à ce temps, il joue 20 minutes. C'est ça, c'est un point qu'on disait en début de saison. Je pense que Terrien ne donnait pas tant de glace. Ouais, mais il méritait pas tout de suite de même. Dernier méritait. Ben, après toutes les années qu'il était là, il méritait plus que. Chris, il méritait plus que la recrue. Avant, fais tes croûtes, mange tes croûtes, le jeune. Fais ton 12 minutes, fais ton 15 minutes. Après ça, je vais te donner 17. Après ça, je vais te donner 20. Galchenyuk a compté 20 buts. Je te donnerai pas depuis... 20 de suite dans le même paf. Ouais, à l'aile. OK, ouais, il a compté 20 buts. Ouais, mais ça montre une chose, c'est qu'il a le talent offensif pour pouvoir produire bien plus que Dernier. Pourquoi il a été rétrogradé? C'est parce que son jeu défensif était de la merde. Fait que lui, Michel, il dit, tu seras pas mon premier centre tant que tu seras pas responsable défensivement. À un moment donné, tu vas apprendre. C'est fort que tu mettes de l'eau dans ton vin. Ouais, puis là, là, c'est le temps de justement laisser y aller. Là. Puis habitue-toi. Pendant l'année qu'on se battait, puis que, tu sais, je veux dire, qu'on avait un bon début de saison, puis que Price s'est blessé, c'était pas le temps de dire, oh, vas-y, mon jeune, je vais donner ton 20 minutes. Attends, il y avait rien. Il y avait Chris moins 13 dans ce temps-là. Il y avait rien qui se passait. Il a donné le spot à Dernier. Après ça, il a remis Heller au centre. Tu sais, c'est une raison aussi pourquoi on n'a pas gagné beaucoup de games pendant ce temps-là. Non, tous les gars t'es à terre en même temps. Là. Pas à cause que Gatchenyuk jouait pas bonne position. Là. Non, non. Mais Gatchenyuk, quand Charity jouait pas bien, nos goalers étaient de la merde. Si la défense était une passoire. Fait que c'est pas une raison pour dire que Gatchenyuk jouait mal défensivement à ce moment-là, si tout le monde n'était pas bon. Pourquoi punir Gatchenyuk? Non, je te parle en début d'année. Pendant le slump, là, ça c'était déjà passé. Son test était déjà passé. En début, il avait déjà en été début d'année, il allait bien. Là. Non, il était enlevé au mois de décembre. Avant ça, un petit peu. L'échange de DSP puis Chanel qui putain le portrait, ça puisse avoir un impact ça, sur Galchenyuk aussi, tu penses? Ouais. Les rumeurs de mallette enquête? Je pense. Serait... Non. Non, tu penses non, pas? Non, c'est juste parce qu'il joue bien au hockey. Je sais pas. Hein, pas c'est... de pression, tu sais. Ben, pas de pression, mais si t'as pas tes chums pour niaiser puis pas penser à la game, tu sais. Ben, je sais pas. Galchenyuk, tu commences à produire genre, avant pas, là, l'échange ou après? Bonne question. C'est dans le même temps. Non, après, les deux buts, quatre matchs, c'était après. Ben il jouait bien déjà avant. Non, c'est la, dans la blessure de Dernier qu'ils l'ont mis au centre-sud. Dernier, c'est un petit bout. Pas, du premier, pas de la première ligne. Par la bout, c'est Plekanec, c'était vos premiers trucs. Ouais, c'est ça. Puis Plekanec, comme d'habitude, fait rien. Non, mais là, personne ne fait rien. Bon, mais Plekanec, ben devrait... Plekanec fait quelque chose. Il y a okay, 9 buts dans le game. Tabarnak, ben, c'est ça, Chris. Il y a de la fierté. Arrête, là. Non, mais... Nos flancs, nombreux meurtriers. C'est le... Il y a Pacioretty, puis il y a Galchenyuk comme meilleur scoreur à l'offensive, puis Plekanec qui arrive en troisième. Puis Galchenyuk, Chris, c'est-tu, il va s'en aller... Là, il est à quoi, là? Je crois qu'il va avoir 55 points cette année, Galchenyuk. Il doit avoir 48 points. Quand ça veut plus rien dire. Non, mais ça montre que, garde, il saisit son opportunité, puis je pense qu'on n'aura pas le choix de ne pas l'ignorer l'année prochaine. J'espère, mais en même temps, ça va être là son test. Son vrai encore. Test va être vraiment début de saison. Oui, il y en a eu un test cette année, puis il n'y a pas réussi à 100%. Il y a le talent. Là, il y a 70. Tu peux pas acheter du talent de même. Là, non. Né, mais c'est sa place, mais s'il faut qu'elle gagne sa place, puis il n'y aura pas son 20 minutes. Comme Michel a dit, il n'y aura pas tout cru dans la bouche. Ouais, il va descendre en deuxième période c'est avec ça. Une patate dans la gueule. En ayant trop salé, à Laval. À un moment donné, tu sais, quand t'es à l'école, là, puis t'apprends en mathématiques, là, le truc d'être meilleur en mathématiques, c'est de faire des exercices. Plus t'en fais, mieux que t'es. Si Galchenyuk, on veut que ça améliore, laisse-les au centre. Chris. Ah, mais tu peux pas faire ça dans un marché de hockey, là. Ben oui. Ben là, tu peux parce que la saison est finie. Ben, quand tu pas pour une place dans les séries ou quand tu justement en début de saison, you can't do that. Ben you oui. can't do that. Je l'ai dit pas. You can't do that. Voilà. Exactement. Mais pourtant, dans d'autres clubs, il y en a qui gênent pas de mettre des joueurs au centre, là. Ouais, mais OK, mais ils sont où dans le classement? Où, tu sais, leur place est-tu assurée? Tu sais, sont-tu eux autres de. Ben là, il faudrait que je fasse des recherches. Ben, mais. Tu sais, c'est tout dans la situation qui se passe. Si c'est pas pour une place des séries, c'est pas le temps de faire les expériences. Jack Eichel, là, tu sais, on s'entend que Buffalo, faut pas être playoff. Mac, là. Ouais, même. Mais, regarde, ils ont-tu eu peur de le mettre au centre? Non. Mais parce que la saison est terminée. Ils ont mis même les trois jeunes ensemble contre le Canadien. Fait que la seule façon pour Galchenyuk... On va essayer des affaires. Ah, ouais. C'est fait que Galchenyuk, pour ça que la moitié du team est là. C'est parce que. Ben là, il n'y a plus rien à perdre. Il n'y a plus rien à perdre, fait que va faire ton expérience. Ils sont en période de test en ce moment. C'est pas pour gagner des matchs. En tout cas, selon Therrien, Galchenyuk est mieux de comprendre, je pense. Il est mieux de comprendre. S'il veut revenir au centre l'année prochaine. Mais il va revenir au centre l'année prochaine. Pas le choix, là, c'est juste que Michel, c'est... il va être de retour. Ça. Ah, ça, oui, on prend jaser. Mais ça, c'est son poche. Il est tout le temps au centre Bell, c'est un set. Qui était ça, le concierge? Il était là une game. Deux. Peut-être même trois. Ça a l'air qu'il aurait mangé quatre hot dogs. S'il serait là en secret, là, il serait pas dans les stands aussi. Tu peux voir, il serait sa galerie de presse en haut. En 2016, il n'y en a plus de secret en 2016. Il serait sa galerie de presse en haut. Il serait pas en bas de même là, pour faire une controverse médiatique à Montréal. C'est pas une grosse médiatique, mais c'est... Puis acheter un billet pour aller voir la game s'il veut, là. Je sais, mais c'est quand même... Mais là, c'est bien, ça part des rumeurs. C'est la conspiracy theory. Mais c'est passé des fausses rumeurs. Là. C'est cool de faire ça. Jeff va se ramasser avec GT Utah à 25 Stanley bientôt. Là. On l'a engagé, puis on va dire « Fuck you, la soirée du podcast, je m'envoie à 25 Stanley. » Il va nous faire des call-outs après ça. Ouais, il va nous envoyer chier. C'est de la marge. Jamais. Deuxième point, Subban s'est blessé cette semaine. Ouais, par un coup de cul. Ça, ouais, par un coup de cul. Ça a brassé notre chat après ça dans les commentaires de certains qui sont pas là ce soir. Par rapport au lançage de gants de Subban et tout ça. C'est-tu niaiseux, ça? Ouais, mais moi, dans le fond, j'ai regardé la vidéo, c'était pas super. Il a mal, Chris, puis peut-être que son gant était pogné. Hey, non, moi, si j'ai mal, des fois, si je pêche de quoi, whatever, puis c'est ça qui s'est passé. Ben ouais. En fait, du monde, si, mais Mart puis Dave, je vais leur nommer, moi, les hostiles. Ces deux-là, si, là, il fait un show, arrêtez-moi ça, là. Le coup, c'est super fragile. Un show. C'est comme le gars, il se fait mal. Oui, il a un coup de cul dans le cou, puis il pense à ça, lui. Moi, je vais pitcher mon gant. Juste parce que je veux faire un show pour que ça paraisse. Non, c'est sur l'adrénaline, il a mal, c'est qu'il est paniqué. Il a lancé un gant rapidement, puis l'autre, il l'a garroché, le record de distance. Tu sais, quand tu fais mal, tu es en crise, puis tu pitches ton bâton. Tu sais, c'est jamais arrivé, ça, que, mettons, tu joues au baseball, tu fais pogner par la balle. Tu joues au tennis, tu frappes à raquette à terre. Mon frère pourrait en dire quelque chose là-dessus, frappage de raquette à terre. Et voilà. OK, ouais, puis Emeline, c'est pas de sa faute. Puis, Non, c'est un accident, c'est un bête accident, mais c'est tout. Ça arrive, ça arrive tout le temps à Emeline, ces affaires-là. Ouais, mais là. Il est trop les yeux fermés quand il patine. C'est une tonne reclos. On dirait qu'il se fait piquer par un abeille au niveau des yeux. T'as les yeux gonflés, c'est Emeline. Il est sa boisson, ça fait chier, mais c'est de valeur. Puis là, au Subban, ils disent que il jouera pas les deux prochaines games. Ouais, ça donne rien à faire jouer. Ça a l'air qu'Emlyn, quand il est sorti de son coup de cul, il avait la marque de Subban étampée sur ses pantalons. Un sourire. Non, pas son sourire, son affaire, qu'il donne sa silhouette, sa brand. Sa brand. On en profite pendant que les gars sont pas là pour parler de ça. C'est ça. Ben, ça a l'air qu'Emlyn était full affecté par ça. Là. Il était démoralisé, puis il a pas voulu rencontrer des journalistes. Là. C'est clair que tu blesses comme. Pleurait dans la douche. Le meilleur joueur du club. Tu sais ça. Le meilleur joueur du club en ce moment, je suis pas sûr que c'était Subban, par exemple. Ben des revirements dernièrement à Subban, même si ça a été ça toute la saison. Là, ouais, mais c'est quand même un des meilleurs scores. Mais c'est ça, on peut pas nier. Pareil, vu que ça compte plus, il essaye. Il fait des jeux, ça marche pas tout le temps, mais on est malchanceux ces temps-ci, qu'est-ce que tu veux. Dave, il commande sur le chat. Non, t'as pas le droit de les pas droit de les ça, ils sont pas là. Ouais, il fait juste dire qu'on l'attaque quand il est pas là pour se défendre. Ouais. C'est parce que quand il est là, on n'est pas capable de parler. Fait que son mais mange la merde! C'est bon, calice! Les gars, ça va y chier tout le temps. Ça, il reste deux petits sujets. Jeff, t'avais mis quels sont les recrues qui nous ont le plus impressionnés depuis deux semaines? Fait que dans le fond, depuis qu'il y a des expériences. Oh, là, ouais, je voulais justement parler là-dessus. Allons-y, on a un peu de temps. Parlons des recrues. Moi, une que j'aime, une recrue. Là. Une. Manon une? Rayon. Ah. Hey, t'es bonne. Eugénie. J'aime bien, j'étais impressionné par Lessio. Ouais, ouais, je pense que c'est vrai, ça en est un que j'aime bien, puis je le vois remplacer peut-être Andrietto dans le futur. Oh! Mais là, il n'y a pas rien prouvé encore. Là, mais c'est-à-dire que ce gars-là, tu le vois sur un futur top 6 peut-être dans quelques années? Ouais, il n'est pas prêt. Potentiel, là. Je vais le dire encore, il n'est pas prêt. Là. Ah, tabarnak. Mais tu sais, je veux dire, là, c'est fin de saison, tu sais, je veux dire, les gars, quand ils arrivent de la Ice Cap ou. Tu sais, la AHL, ils ont peut-être des bonnes games. Pendant 20 games, ils vont bien jouer, mais quand sur une saison de 80, c'est là que ça va paraître. Mais je veux dire, là, pour l'instant. Chris, il est vite en esti, puis il a un bon petit flair offensif. Puis André Ghetto, là, il a comme descendu d'un coup. Ah ouais. Fait que finalement, on n'a pas échangé Christian Thomas pour des raisons de party. C'est parce que Nicolas Lecho était vraiment un bon joueur. Là. Ouais. Il est pas pire, là. Tu l'appelles Lecho, toi? Lecho? Ouais, comme Lecce. C'est deux S, je pense. C'est Lecho. Luca Lecho. Luca Lecho. Ben, en tout cas, regarde, il est vite en esti, puis il a un bon petit flair offensif. Il m'impressionne pas pire. C'est un gars de 6 pieds 2, genre quelque chose de patine, même. Patine, man. Puis Christian Thomas, c'était 5 pieds 10. Genre. Ouais. J'ai pas Idano aussi, mais c'est pas vraiment une recrue. Ouais. Là, Mato, c'est-tu de la merde, ça? Pour l'instant, oui. Ça, c'est un projet. Mais là, t'as eu deux cas incertains, là, Dano puis Mato. Mais Dano, c'est un bon centre de quatrième. Ouais, c'est ça, il est quand même bon, il fait faire la job. Pis... Moi, j'aime mieux Dano. Il a scoré à Dano aussi. Là, ouais, il a scoré son premier but au Sandbell. Ouais, un but. Moi, dans ma tête, Dano, il j'aime mieux ce que je vois de lui que Lars Eller, mettons, en troisième ligne. Ouais, mais il produira pas assez. Oh, mais c'est un gars de quatrième. Comparé à Lars Eller, Lars Eller peut t'amener 15 buts, lui, va t'en amener 5-6 pour l'instant. Fait que tu peux pas vraiment. Ben, c'est ça, mais tu sais, dans le fond, c'est dépendant s'il atteint son potentiel, mettons, d'ici quelques années. Ouais, mais Eller, il a plus de flair offensif que Dano. Là. Dano, par exemple, meilleure défense. Moi, c'est, en tout cas, c'est mon feel. Ben, c'est question ça. C'est dépend quel genre de joueur que tu veux, ce trio-là. Ouais, genre. C'est ça. Parce qu'on s'entend qu'il a clenché de la rose là, dans la hiérarchie des joueurs de centre défensif qu'on a dans le club. Ben. Dano ou Torrey Mitchell, mettons, si t'aurais le choix entre les deux, genre, tu prendrais qui? Je pense avec Dano, moi. C'est facile de dire ça, mais Mitchell, il est bon quand même. Ouais. Il est vraiment bon, c'est mes autres. Parce qu'il faut pas oublier que Bergevin a donné un contrat à long terme à Torrey Mitchell. Ouais, mais Mitchell, aussi. Je le prendrais plus. Pour les mises au jeu, puis tout, il est beaucoup plus fiable que Dano pour l'instant. Ça pourrait-tu faire un bon fit, mettons, sur le même trio, les deux, peut-être? Ouais, tu pourrais. Dano, il est droitier. Je peux aller voir pendant que tu vas parler. Je veux pas parler à travers mon chapeau. Moi, pendant ce temps-là, j'aimerais parler de Mark Barberio, qui n'est pas une recrue, mais par contre, il Chris fait sa place en lui de ce temps-ci. Là. C'est de valeur parce que là, il est blessé indéfiniment. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme coucou. Là, je pense que c'est. Coucou. Coucou. Il s'est blessé contre Buffalo, là, mais sacrément, c'est-tu. Qui ça? Barberio. Barberio. C'est l'éditeur dans ma tête. Barberio. C'est l'éditeur dans ma tête. Ouais, commotion. Qui on parlait? On voulait savoir Dano. C'est Dano est gaucher, droitier. Il est gaucher. Fait que ça pourrait être mais un bon allié gaucher. Avec... Ouais, ben c'est ça. Ça pourrait peut-être, tout dépendant des mises au jeu, mettons, dans quel, ouais, dans quel ouais, côté ouais, de tout ça. Ça ferait un secret weapon. C'est capable de jouer à l'aile. Ouais. Ben, Barkley, là. Ah, Barkley, c'est dégueulasse, là. C'est oui, mais bon. Moi, là. On a carrément échoué. Il y a eu aucun trade parce qu'on a évité des troupes. Mais qui a amené vraiment quoi de bon? Nulle part. Nulle part. Il n'y a pas eu de trade dans NHL tout court, man. Ben, il y en a eu quelques-uns, mais. Ouais, mais je sais pas dans le deadline. Il n'y a pas eu grand-chose. Mais cette année, on ne s'est pas amélioré vraiment dans l'équipe. Là. Non, on a fait un peu le ménage, je pense, j'imagine. Mais là, en ce moment, tu sais, les tests de Bergevin, il va falloir qu'il fasse à long terme ces tests. Parce qu'il n'arrête pas de dire, ben là, tu passes par le repêchage, puis tu y vas par les jeunes. Chris monte les jeunes, là, à un moment donné. Mais là, ils sont tous là. Ils sont tous là, mais il faut qu'ils restent l'année prochaine. C'est là, j'ai un test. Ben, c'est ça. Faut pas que ça revienne l'année prochaine, puis il en reste un, puis le reste, des astuces vétérans. Non, mais attention, là. Des gars de 750. Toutes les jeunes, ça leur donne l'espoir, un astuce de revenir l'année prochaine, puis il y en a plein qui vont être déçus, parce que. Mais OK, ils vont se couper. Il manque du goût. Non, c'est sûr qu'il n'y aura pas de place, mais après moi, c'est comme une audition, savoir qui pourrait faire le club. Qui va rester. Comme Michael McCarron, là, excuse-moi. Ce gars-là, je le garderais. Tu sais, la grosseur qu'on n'a pas beaucoup de joueurs de même. Pour de vrai, il n'y a pas assez de temps de jeu pour que je. Mais il est pas mauvais. Non, c'est ça. Il est pas mauvais, mais pas super bon et tout. Il passe souvent ses batailles à un contre un, ce gars-là. Ouais, il est bon en avant du net, mais faut pas oublier qu'il est dans ses premiers milles aussi. Là, c'est pas non, mais c'est tout, je suis pas prêt. Il va apprendre. Mais je le garderais-tu dans l'équipe? L'année prochaine? Pas l'année prochaine. Je le recollerais, mais je le garderais. J'aimerais mieux avoir lui qu'un vétéran, mettons, de 35 ans, un Mike Brown. OK. Tu sais, genre, ça, je m'en calisse. Mais si McCarron peut faire de quoi, mettons. Je peux même pas la même position. Si dans le club l'année prochaine, je veux qu'il soit sa troisième ligne minimum. Pas sa quatrième, parce que McCarron, il faut qu'il ait du temps. S'il pourrait jouer 10-12 minutes par game, je pense qu'il pourrait vraiment faire de quoi de pas pire. OK, mais ben, tu le mets sur le quatrième par des avantages. Je le mettrais pas sur le troisième. Ben, peut-être. Ben, ça dépend. Dans le fond. Mais je le garderais pas avec le clip. Je le rappellerais ou je le garderais comme mon défenseur scratch. Comme mon joueur que je pourrais scratcher. Il faut pas que tu scratches un gars comme McCarron, sinon tu le laisses dans le Ming américain. Ouais, mais ça, ben, c'est ça. Si je le garderais, je le ferais jouer quand même à l'alternance. Mais je pense pas. Puis des fois, mettons qu'il y a un attaquant dans le top 6 là, qui fout rien cette game-là. Oh, oh McCarron, tu peux le mettre sa première, deuxième. Pour juste pour faire jamais. Ça peut devenir comme notre prochain Delouise, mais en bien mieux. Genre, tu comprends ce que je veux dire, genre, avec Delouise? Ouais. Delouise. Puis Mike Brown. Mike Brown, dans le fond. Ben, la game contre Buffalo était bon. Là. Martin est bandé, Mike Brown. Là. Ben, ça amène du toughness. Je peux pas craindre qu'on va garder ce gars-là. Ça sert absolument à rien. L'équipe du Canadien, présentement, avec les jeunes, c'est sûr que tu vois que nos jeunes qui s'amènent sont plus gros, fait qu'on a l'air plus gros. Ouais, en partant. Tu sais, c'est comme une illusion, là, ça m'emmène. Tu sais, dans le fond, toute l'équipe est un peu plus tough parce que les jeunes sont comme, ils ont plus de chiens, ils veulent prouver leurs affaires. Ouais, c'est ils ça, ils ont des couilles, contrairement à nos vieux vétérans, c'est ils ont commencé à avoir des gars de 6 pieds et plus, ça fait du bien. Ouais, aussi, mais c'est un peu, c'est un peu une illusion que qu'est-ce qui va vraiment arriver l'année prochaine. Le Canadien, c'est pas ce type d'équipe-là. Là. Ça, pour de vrai, ça, désolé, moi, ça nous prend pas un enforcer. C'est une place gaspillée. Moi, j'aimerais mieux qu'on mise l'équipe sur la vitesse. Moi aussi. On peut-tu changer notre style de genre de team défensif à un style offensif non. À un moment donné là, éventuellement là. Pas ben pendant que les deux sont là, pas pendant que Bergevin et Michel Therrien sont là. Si Therrien plus là, c'est la philosophie de l'équipe, c'est mais ça, puis c'est le même défenseur non chez, mais ça va dépendre, mettons qu'un jour Therrien il est plus là, ben si un autre style d'entraîneur peut-être que le elle veut pas. Bergevin a choisi Therrien pour puis Therrien expliquait sa philosophie de jeu puis ça fitait avec Bergevin. Avec Bergevin, ouais, on allait chercher un coach de même. Puis Boucher, il était... Puis man, pour de vrai, Boucher, c'était vraiment un coach défensif, là, à full pin. Là. Chris, il jouait à quoi? 5 joueurs dans la zone, tu sais, quand on allait avec Philly, là, que... C'est le même style. Fait que le monde dit, on va prendre Boucher. Je m'excuse, vous allez retrouver avec la même style d'affaires. Mais quand ça... Mais c'est, je vais juste faire un changement, mais le même style de coach. Je joue défensif, c'est ça, à cette heure, la Ligue. C'est pour ça qu'ils réduisent l'équipement des gardiens, c'est pour ça qu'ils vont changer... Ouais, on va en parler en deuxième. Fait que non, mais je veux dire, c'est un jeu défensif, puis je t'attends que l'autre fasse une erreur. Puis là-bas, c'est du score. Dave, dans le chat, fait dire que les deux qui parlent le plus dans ce podcast-là sont en face de moi. Ah ouais, mais tabarnak, parce que c'est pas là. Et il dit, JF, prends ta place. On t'a là. Hey. Je pense que t'as jamais parlé autant. C'est rare, d'habitude, j'ai plus de salive rendu là. dernière affaire, là, Price, vas-tu revenir au jeu finalement ou pas, vous pensez? S'il vous plaît, amenez-le pas, là, en fin de saison. Moi, j'aimerais ça voir pendant les 5 dernières. Non, mais là, cette semaine, j'ai lu qu'il reste combien, là? Il reste. Ouais, c'est drôle, on n'a plus d'update, hein? Ouais, ça, non, mais ça a l'air que cette semaine, il aurait fait un faux mouvement. Il était prêt à se relever, puis il n'a pas repartenu depuis. Ça a sorti de où, ça? J'ai vu ça sur le Twitter de JB Gagné, qui anime Hors-Jeu. Fait que je sais pas si c'est sûr, c'était bonne, mais on va faire confiance, là. Puis ouais, il n'y a pas personne depuis, on n'a pas de nouvelles. Hey, il est bon ton nouveau bouteille. Ici, Jean-François, essaie, il y a une nouvelle bouteille Millennium Falcon. Puis à 15 une Modelo, puis il est juste pas capable. Oh! En renversant de la bière partout, on sort le papier cul. Calice. La merde qu'on va faire. Paye ça 15$. Jeff, le gars qui achète une tuque à 50$, et il va au dépanneur, puis le gars, il vend un nouveau bouteille cheap à 15$. Ouais, fait que Price, le ramenez-vous. Moi, je le ramènerais pas, personnellement. Ben, moi, j'aimerais ça le voir pendant les 5 dernières games. Au pire, juste. Ben, s'il est prêt, ça serait pas rétabli, mais tu sais. Ouais. Je pense pas qu'on va dire. C'est pas en recevant des shots de David Ernest, est-ce que tu vas te venir bien mieux, là. Un shot, tu sur le genou non plus, là. Quand t'es dans NHL, même si t'es le plus poche joueur, t'as quand même un bon tir. Ouais, mais dernier, c'est pas longtemps, il m'arrive quand même un bon tir. C'est pas les shots, le problème, c'est ses déplacements. C'est là qu'il fait mal. C'est son genou qui tient pas, là. Mais c'est drôle, on a pas entendu parler. Fait que s'il s'est blessé, puis tu sais, la rumeur de JB Gagné est vraie, ben ça se peut. C'est qui JB Gagné? JB Gagné, le gars qui anime Hors-Jeu, là. Ah, c'est lui qui a sorti ça? Ouais, c'est lui qui a fait ça sur son Twitter. Puis il a dit, ils sont blessés. Price a eu de la misère à se relever cette semaine, puis depuis ce temps-là, on l'a pas revu patiner. Ah, j'aimerais savoir d'où ce que tu as eu l'information, s'il te plaît. Ouais. Donc, réponds à GF. Ici à Brossard, là. Ici au 10-30. Que Price s'entraîne au Centre Bell. Ah ouais? Ouais. Parce que dans le fond, Bergevin l'a expliqué dans sa conférence de presse, c'est pour qu'il puisse avoir la paix. Ah. Fait qu'il n'était pas à Brossard. J'aimerais savoir où est l'information. Mais dans le fond, je dis ça. Toi, pas parce que je cherche du trouble, mais parce que dans le fond, regarde ça à caméra. Je serais curieux parce que si ça serait arrivé, c'est les Canadiens qui contrôlent les caméras au Sandbell. Puis si c'est arrivé au Sandbell, qui ça sort? Bon, c'est ça. On veut avoir des preuves. On veut des sources. On veut des sources parce qu'on va y voler après ça. Je veux une vidéo. Fait que la brèle est finie, on va aller faire une mini entraque, un refill de bière le temps qu'Alex aille manger ses culottes pleines de bière. Puis, tu mettras du séchoir. On va ouvrir la deuxième période avec des audios de Bergevin et Terrien. On est de retour pour la deuxième période. Marc, écoute, je vais dire. C'était pour ouvrir notre deuxième période qui est la période des audios. Alors, c'est là que je prends ma place. Dave, je la prends ma place. Là, je vais faire jouer des extraits. Là. Et voilà, vas-y, go. OK. On a premièrement Michel Terrien qui nous parle de Galchenyuk en deux extraits séparés. Fait que premièrement, on a Terrien qui va nous dire ce qu'il pense de Galchenyuk en ce moment. Ben, premièrement, ça prend ça prend un certain talent pour faire ça. Et le talent ne on peut pas dire que c'est un gage de succès. On voit depuis des années Alex travailler sur son lancer, sur réception. Donc, beaucoup de crédit lui revient. Beaucoup de crédit lui revient aussi pour la séquence la maturité qu'il a démontrée dernièrement. Et en tant qu'organisation aussi, on est content de sa progression. Tu regardes sa courbe de progression. Sa courbe de progression au fil des ans. Continuellement à s'améliorer. Et tu as deux philosophies de comment jouer avec ça. C'est toi, tu donnes à un jeune athlète tout cuit dans le bec. Dans le bec. Puis au bout de la ligne, tu espères que ça va être correct. Si tu donnes un jeune athlète tout cuit dans le bec. Tu t'assures comme organisation. Tu veux faire les bonnes choses, tu veux faire le bon enseignement, tu veux donner des occasions. Quand tu vois que ça marche plus ou moins, tu prends un certain recul. Et quand il n'est pas prêt? Quand on sent qu'il est prêt, voilà. Lui redonner l'occasion puis juger un peu là, comment est-ce que les choses se développent. Et on est très content comment est-ce que Alex progresse. Fuck! Ah, j'avais un 5 secondes de vide à la fin. Okay. Wow! Fait que une minute et demie de Michel Terrien pour nous dire absolument rien sur Galchenyuk. Il dit tout la même affaire. Tourne en rond. C'est pénible. C'est pénible. Mais il dit qu'est-ce que j'ai dit dans le fond. Fait que moi, je devrais être un coach. Tu devrais être un pro Terrien. Est-ce que c'est le développement des joueurs, là? Tu devrais être un gars de développement de joueurs. Tu devrais être en charge du développement des joueurs. Bruce Boudreau fan. J'ai lu son livre. Ouais, et l'autre excès sur Terrien par rapport à Galchenyuk, c'était justement par rapport au début de la saison. S'il était pas prêt en début de saison, j'ai bien dit pas prêt. Fait qu'on écoute ce qu'il a à dire par rapport à son début de saison à lui. En début d'année, on le mettait souvent dans les oppositions aussi pour produire offensivement. Beaucoup de mises au jeu en zone offensive. Des oppositions. Il est venu un temps aussi, on l'a mis avec Pacioretty. Pour voir où ce qui était rendu. On pensait de changer d'allier. C'était pour l'aider aussi à être beaucoup plus productif. T'es pas prêt pour ce défi-là. C'est aussi simple que ça. Yes! C'est pas une question de points. Souvent, mais tu veux. T'es souvent jugé par les points. Mais dans leur cas, quand on les a mis ensemble, il n'y a même pas de chance de scorer après trois matchs. Même pas de chance de scorer. Fait que tu vois tout de suite que c'est... Non. La raison en tabarnak. Tu retardes un peu le processus. Tu continues à travailler. Et tu te dis éventuellement que les choses vont se replacer. Mais... Puis on est content de voir la courbe de son développement. La moitié de l'ex... Attends une minute. Là. Fais tout sur le call-out, qu'est-ce qu'il vient de dire? Oui. Parce que t'es pas content parce que t'es un petit fan de Galchenyuk. Ouais, vas-y. La moitié des extraits de Terrien, c'est lui qui respire et qui avale. Mais on va. Le Jay veut faire un call-out, fait qu'on va le laisser aller et on en parle après. Là. I'm calling you out! Michel. Là, va falloir que tu réalises une chose. Ta date est expirée. Arrête de dire n'importe quoi puis de tourner autour du pot, OK? Galchenyuk a joué deux games avec Pacioretty au mois de novembre. Tu t'es écœuré puis tu l'as crissé à l'aile. Tu le fais jouer 12 à 11 minutes par game. C'est trop long. Puis là, il a fallu que tu attendes des joueurs qui se blessent comme ton petit bébé dernier pour faire jouer Galchenyuk sa première ligne. Là, un moment donné, il va falloir que tu t'apprennes à parler clairement. Comme tu viens de puis il va falloir que tu apprennes à te fermer ta gueule parce que là, je suis plus capable. Démissionne, mon ami, OK? Tu perds tes cheveux. Ton collet, il est trop serré. Ton menton, il est plus gros que mon épaule. À un moment donné, là, va falloir que tu arrêtes. Je suis plus capable, asti. Colle-moi ça dehors, tabarnak. Ça prend quelqu'un d'autre, asti. Ton esti de style de jeu défensif, là, ça marche pas. Ça prend des buts pour gagner des games. Ça prend pas des buts contre nous autres, esti d'épais. Merci. Merci. Excuse-moi, mais c'est ben, ça. Attends, premièrement, je veux savoir une chose, Jeff. Est-ce que son menton est plus gros que ton épaule ou ton épaule? Épaule. OK, je suis un peu déçu. Ça a été cool. Moi, ton épaule. On va comparer. Ah non, c'est ça. C'est grosse affaire. Avec du poil. Lui, là, dans une bande dessinée, c'est Fred Flintstone. Parle dans le micro, ça. Ouais, you're just a hater. Je suis fâché. Non, je suis plus capable, Asti. Ouais, c'est ça, t'es un hater. Toutes les affaires qu'il fait, c'est comme tabarnak. Non, excuse-moi, là. Je suis plus capable. Fait qu'on devrait qu'on aussi Dan Bysma dehors. Puis c'est qui le coach, là? Paul Morris, qu'on a gris les Jets. C'est qui le coach des Hurricanes? Je sais pas. Je vais mettre dehors. Pete Rose. Toutes les équipes font pas essayer, on aurait tout conseillé qu'on gère. Non, parce ben que. Ouais, pourquoi pas? Si, ils font pas le job, man. Ils font pas des buts. Ils font compter. Ah, ben ouais. Sur papier, on a un bien meilleur club que New Jersey et les Hurricanes. Puis pourtant, les Hurricanes, je pense qu'ils ont quasiment autant de points que nous autres, si c'est pas plus. Ils ont-tu dit gars blessé, man? Non. Tu es le meilleur goaler blessé? Non. Ouais. On est même un meilleur club qu'eux voilà. Autres blessés. Ben, ils ont perdu le goaler numéro 1. Chris, on a Pacho qui est supposément un marqueur de 40 buts. Perdu on a piqué le MVP, Chris, le MVP là. De la ligue, man, l'année passée. Hey, ils l'ont-tu perdu? On va se calmer sur Pacho aussi. C'est là. Une équipe qui est molle. Pacho Ready, c'est mou comme de la merde. Non, mais c'est vrai. J'appuie les propos encore. Là. Pour le reste, Michel avait raison de dire que. Ok, malgré qu'il a joué deux games avec Pacho Ready. C'était qui les alliés? Je m'en fous. Il a joué deux games, Pacioretty, t'as dit? Ouais. Deux, trois? Deux. Il a eu aucune chance de marquer. Zéro. OK, mais tu l'enlèves, Calis. Mais Pacho, il est mou comme la merde. Mais je m'en fous. Hey, tu enlèves le deux... Pas deux minutes, on va... Sept minutes. Non, mais tu chialais à cause des alliés. Il a dit, gars, OK, mettons, je l'ai mis deux games ou trois games qu'il dit, toi, tu dis deux. Il a dit trois. Il a zéro chance de marquer. Zéro. Mais à un moment donné, c'est comme, OK, mais get out, je te mettrai pas sa première ligne. Tu as eu zéro chance de marquer. Combien de matchs que ouais. Pacioretty a eu avec Plekanec? Non, mais attends, Pacioretty, c'est ton number one puis c'est ton capitaine. Wow, c'est pas le, gars que tu essaies de prouver qu'il mérite d'être au centre. Fait que tu vas mettre ça sur d'autres jeunes. Non, mais toi, là, t'es en ligne, Galchenyuk, c'est comme quoi? C'est ton joueur numéro un de toute l'équipe par-dessus Pacioretty, par-dessus n'importe qui. Non, mais on a un joyau dans le club, ça serait peut-être bon qu'on s'en sert. Ouais, mais faut ton joyau, tu le polis tranquillement. Tu fais pas juste le call. Ça fait 4 ans qu'on le polie, et cette année, il va être dur. Ouais, mais. Pendant 4 ans, c'est justement, il n'a jamais montré que, à part là, là présentement, là, il joue en tabarnak, mais dans le début d'année, il n'a pas montré que c'était son pas, c'est lui. Il va pas le gagner, son pas. Il a montré des belles choses. Il a eu un très bon camp d'entraînement, puis après ça, ça a bien été pareil. Là, si tu regardes sa fiche, les 9 premiers games, là, c'était pas le pire joueur. Okay, hey, 9 premiers games, on a 9 games. 9 tout le monde a bien 0 joué. Défaite. Là. Toute l'équipe jouait comme si ça mais c'est coche. De quelle période tu parles, mettons? Après ça. Après ça, quand ça commençait à mal aller? Non, non. Hey, wow, là. C'est quoi, on a gagné la game après ça la série. Mais la saison, on a perdu. Non. Peut-être qu'on a commencé les mal en décembre. On avait une fiche de 500. On a commencé les mal en décembre. Ouais. Au mois de novembre, ça commençait pas bien. Milieu décembre. Il y a un peu de garder le fort en novembre. C'est la deuxième fois que Price est blessé qu'on a commencé à tanker vraiment solide. Une semaine après ça. Vraiment solide après ça. Ça, c'est mi-décembre. Le voyage de l'Ouest. Le voyage de l'Ouest, c'était quand ça? Au mois de novembre. OK, on a assez parlé de Galchenyuk, je pense. Là, on va passer à un on autre point. On s'entendra jamais là-dessus. On va aller sur Bergevin. Il y a eu un point de presse après le meeting des DG cette semaine. Bergevin, là. Dave, son message. Bergevin, qu'est-ce que tu fais avec ta coupe de cheveux et ta barbe, sacrament? Ah, mais j'en ai pas qu'on on va parler de ça. Non, mais calvaire, il a l'air de jouer un Three Stooges, là. Parce que hier, il parlait de ça à la radio, comme, ah, tu sais, ça fait pas vraiment propre, il y a du monde qui chiale, comme quoi, ça présente pas. Quoi. Pour on vrai, s'en colle, est-ce que tu on s'en ah, colle. Il parlait de ça à 98.5. À 98.5, on est pas sérieux. Pour vrai, on s'en colle. Mais. Ils ont raison, il y a l'air c'est d'un comme, câble. Non, mais okay, c'est comme okay, un issue, mais... man. C'est comme, ça ne présente pas bien les joueurs. Devrais-tu faire comme lui ou Lamoriello? Se raser la tête? Mais là, peut-être c'est un peu trop. Mais là, Lamoriello, comment est-ce qu'il... Lamoriello, il a l'air d'avoir 110 ans. Je sais, mais ça fait pas propre et tout. Puis ça devient comme là, c'est vraiment un bon exemple pour les joueurs. Ah. Ça, c'est trop, là. C'est Isabelle Maréchal qui parlait de ça. Non, c'est un show pas lourd. Moi, je dis juste qu'il a l'air d'un câble. Mais il peut avoir l'air d'un câble. C'est son droit 100% d'avoir l'air d'un câble. Mais il était déjà câble avant qu'on l'engage. Fait qu'à un moment donné. Fait qu'en tout cas, ouais, il y a eu des extraits par rapport au meeting des DG. Premièrement, premier extrait, on lui a demandé s'il va y avoir du changement au niveau de l'obstruction face au gardien. Fait qu'on écoute sa réponse. Oui, mais c'est, je te dis, on a regardé des séquences différentes. Puis même sur les 30 DG, souvent c'est 15-15 ou 12-18. Tu sais, c'est jamais clair. Il y en a qui sont clairs, c'est 15-15 ou 12-18, ça ne concorde pas. Il y en a beaucoup que même à l'interne, on n'est pas tous d'accord. 15-15, 12-18, des chiffres dans les airs. Lui, il dit que 15-15. Il dit que les DG s'entendent pas sur ce qu'il faut faire avec les goalers puis l'obstruction et tout ça. Fait qu'il dit tout le temps moitié-moitié ou un petit peu plus d'un, un petit peu moins de l'autre. C'est très clair. Fait que c'est très clair qu'il y aura pas de changement. Mais c'est l'obstruction pis les caler, qu'ils peuvent caler. Là, c'est ouais, ça. Ouais. Il y aurait peut-être de quoi, genre de plus pertinent et plus brillant que ça. Mais il y avait rien à dire en même temps. Mais qu'est-ce que tu dis? Si ils sont déchirés, ils sont pas unanimes sur rien. Fait qu'il y a pas de changement. Moi, j'aurais parlé d'autres choses qu'on peut parler plus tard. Tu sais, mettons, tu résumes ça puis tu donnes ton opinion sur ce que t'en penses. Ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent, j'imagine, par rapport à ça. Ben, je sais pas, ça dépend. Si tu as huis clos, non. C'est pas huis clos, mais tu peux pas dévoiler les informations. Les journalistes ont pas le droit de s'asseoir dans la salle puis écouter les votes puis qu'est-ce qui se passe, là. Ben, il doit dire son opinion sur un sujet qui était mis à table. Il aurait pu dire oui, moi, telle affaire, mais il n'a pas voulu s'avancer parce souvent que c'est trop déchiré. Souvent, quand un DG fait ça, c'est vraiment pour comme essayer d'influencer ou genre ça part. Tu sais, quand mettons, il y a un DG qui dit moi, je suis pas pour qu'on augmente les équipements. Ou tu sais, là, tout de suite, ça part des médias. Ben, ouais. Fait que c'est plus pour prendre comme influencer le vote, on dirait, qu'utiliser les médias. Là. Deuxième extrait, ils ont demandé quoi faire si j'avais une expansion dans la Ligue nationale. Alors, on écoute. Pour l'instant, il n'y a pas d'expansion qui a été approuvée. Alors, moi, du directeur sans savoir ce que ça s'en va, tu vas probablement regarder la dernière fois qu'il y a eu une expansion, ça comment ça s'est déroulé. Mais encore là, il n'y a pas d'expansion qui est annoncée. Puis, pour l'instant, je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Ça, c'est une règle à NHL parce que, pour de vrai, c'est sûr qu'ils en ont parlé. Puis là, ils disaient, OK, on va protéger un goaler, trois défenseurs. puis 7 attaquants, je pense. Ouais, quelque chose de même. Sinon, c'est après ça. Sinon, c'est comme un goaler, puis 8 attaquants. 8 joueurs par rapport. 8 patineurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ils vont protéger? OK, mais mettons, chaque équipe... Les nouvelles équipes d'expansion n'ont pas le droit de repêcher les gars que tu protèges. Ah, OK. Fait que, tu sais, s'ils en ont tous discuté, puis tout le monde, les rumeurs disent qu'il va y avoir une équipe. C'est sûr que Gary Bettman, le gouverneur, ont dit, écoute, ils savent sûrement déjà, puis c'est pour ça qu'elle discute, puis c'est sûr que la NHL vont dire t'as même pas le droit de dire s'il y en a une ou deux ou zéro équipe. Ouais. Fait que là, c'est comme, je sais pas s'il y en a, pour l'instant, il n'y en a pas, Mais là-dessus, il m'a. D'après moi, ce qu'ils ont demandé, c'était plus pour commenter le fait de, tu sais, comment tu trouves ça, te protéger sur un goaler, puis si, puis ça. Ouais, puis je pense que ça peut embarquer là-dedans, mais. Il a comme donné une autre explication, mais il a patiné, là, tu vois. Il a comme parce que, la dernière fois qu'il y a une expansion, là, tu pouvais en protéger en tabarnak des joueurs, là. Pis c'est ça que ça a fucké vraiment les équipes là, c'est comme il y a trop de joueurs trop, ben ouais. Là c'est justement là, ils veulent que la tu sais si tu payes 500 millions ils veulent que ça soit pour avoir plus un team là, t'es bien mieux d'avoir peut-être une chance de faire les séries dans les 5 prochaines années, peut-être pas les 10 ou 12 tu sais comme là. Mais non, parce qu'après ça ça prend l'argent au fan base là, c'est ça. Fait que là ils veulent vraiment, tu protégeras pas beaucoup de joueurs, fait qu'il y a des équipes qui vont perdre des vedettes. C'est bon parce que dans le fond ça va pouvoir libérer un peu de l'argent dans sa masse salariale ou certains clubs. Là il est à 74 millions cette année, l'année prochaine. C'est sûr ça. Là il est à combien présentement? 69? Ouais, ça monte pas bien pour de vrai. Ça là c'est à cause du dollar. Ouais, ben ouais, c'est sûr, c'est l'échelle perd des revenus. Je pense qu'on est à 69 à peu près. Me semble. On prend ton 5 millions, c'est pas beaucoup. Effectivement. C'est un gars de plus. Troisième extrait sur Bergevin, ils ont demandé ce qu'ils pensaient des jeunes. Fait qu'un peu, on va écouter un peu ce qu'il a dit là-dessus. Écoute, là, avec les beaucoup de blessures qu'on avec a, les beaucoup de blessures qui sont hantés dans l'aliment, c'est certain que... Avec les beaucoup de blessures qu'on est. On va regarder de près dans 13 prochains matchs, 15 prochains matchs environ. Puis c'est une audition pour eux. Ce qu'Alex a dit tantôt. C'est certain que... Avec beaucoup de blessés comme ça, tu peux... Tu sais, la partie samedi, je pense qu'on avait 11 joueurs qui manquaient de l'alignement. On avait 4 joueurs d'avant, 2 défenseurs, puis un gardien de but qui était de l'alignement de départ au premier match à Toronto. Fait qu'il y a eu beaucoup de revirements dans l'alignement cette année, mais je vais analyser ça de près d'ici à la fin de la saison. Tu vas faire quoi? Je vais analyser ça de près. Analyser. Hey boy. C'est dur un peu des fois. Écoutez, Jean Audio, il y a de la misère. T'es anglais, français, Pointe-Saint-Charles. Mais les deux ont de la misère, je sais pas pourquoi. Ouais, mais. C'est dur que ça. Je dirais qu'ils sont tout fucky, man. Ils sont comme. Ben, ils sont démoralisés. Ils sont écœurés d'avoir les micros de sa gueule. La courbe, là, tu sais. La misère, tu sais. Michel Therrien a de la misère à dire courbe. Ouais, avec c'est le ça, R, il y a des avec le R. C'est comme trop d'air, trop pas de patates dans le bouche. Courbe. En tout cas. Puis Asti qui a de la misère à respirer. Ah, il respire beaucoup trop fort, puis il y a beaucoup trop de pauses pendant qu'il. Ça prend juste un DG ou un coach pour dire une phrase, puis dans une phrase qui dure 20 secondes, il y a 18 secondes de pause, de silence, puis de respire. C'est. Sacrement, là. Il réfléchit à ce qu'ils disent. Là, dit... C'était quoi mon texte déjà? Ben, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, ben, qu'est-ce qu'elle dit? C'était correct. Là. Ouais. Ouais. Oh, ouais, c'était correct. C'est vrai. Ils ont une chance, les jeunes. Pour c'est juste que loups, dans le fond, puis... ils drop des chiffres. Hein, il y avait un goaler, trois. Ah, ouais, il dit. De... C'est comme. Ben, ça, c'est comme les politiciens. Ben, il y a presque raison. Il y avait 11 gars qui manquaient pour de vrai. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais c'était comme juste drôle parce qu'il était détaillé et il était comme pas sûr en même temps de ce qu'il disait. Fait, je trouve ça drôle. Mais tu suis même plus l'équipe, lui. Il est allé jouer au golf à Boca Raton. C'est encore lisse, là. Ouais, c'est fini. Si je prends des vacances. Ouais. C'est rosé à la barbe avec sa femme. Si tu poses des vacances, Boca Raton, ouais. Joue au golf avec les dents jaunes. Ça a l'air qu'il y a une nouvelle blonde sur Facebook. Ah, une nouvelle blonde. T'es pas marié avec Salinda? Ouais, genre. Ouais, ça, c'est un faux compte Facebook qu'on avait vu, là. C'est qui a ajouté ça? Hockey 30. Ok, c'est épais. Qu'est-ce qui a ajouté aujourd'hui Hockey 30 par rapport à. Ah, je sais pas. C'est pour ça qu'il m'a envoyé ça. Ah, c'est Jacques Demers qui a dit ça. C'est absolument fan. Absolument fan qui a dit qu'il était déçu de l'utilisation de Dano, je sais pas quoi, là. Non, c'est Jacques Demers qui a dit que Dano, genre, ne s'est pas fait sauter la bienvenue dans le vestiaire parce que les gars s'appellent Delwise. C'est n'importe quoi, ah, ça, Esti, là. C'est Jacques Demers, come on, Esti. Ben, Esti, absolument fan. Qu'est-ce que c'est ça, là? Ça se peut pas, ça. Mais non, parce que ça a été dit à l'antichambre, fait qu'il a juste résumé une séquence à l'antichambre. N'importe quoi, là. On peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Ben non, c'est de la merde. Pourquoi tu. Même là, c'est comme fuck you, c'est comme ok, ça arrive à tous les ans dans la chaîne, ça fait vraiment pas professionnel. C'est ce blog-là. C'est la première fois dans la Ligue nationale, toute l'équipe du Canadien, c'est comme on est fâché qu'un gars se fasse échanger. C'est comme l'éco-vedette du hockey, ces blogs-là. C'est vraiment de la merde, là. Ouais, ça résume des choses qu'on sait déjà. Après ça, ils ont demandé à Bergevin par rapport aux blessures s'il avait déjà vu ça dans sa carrière. Je pense que c'est ça la question. Autant de blessures, puis une dégringolade, puis une saison de marde de même. Voici sa réponse. Non, moi, personnellement, non. Comme joueur, je m'en souviens pas. Puis comme... à Chicago, j'ai jamais vécu ça. Puis à Montréal, en 4 ans, c'est la première fois que je vois ça. J'espère, Esti. Ben, no shit, on s'en souviendrait nous autres ici à Montréal. Là. Puis c'est sûr que dans un team que tu as joué, tu n'as pas eu le temps de voir ça. Tu changeais d'équipe à chaque année. Il arrivait, puis c'était fini. C'est ça. C'est pour ça qu'il arrivait. Ouais, il est venu patcher un trou. C'est ça. Il reste deux extraits de Bergevin. Il était mélangé un bout. Hein, en tant que joueur, qu'est-ce que je faisais d'autre? Jouer où, moi? Chicago, je suis arrivé. Montréal non plus. Fait que ce dernier extrait, il parle de l'effort de ses joueurs malgré la fin de saison de marde puis la non-participation en série. Puis il parle également de son évaluation de fin d'année. Il parle de main de fin, hein? Ben, en fait, il respecte plus qu'il parle. Bon, ben, okay. Oui, l'effort, écoute, pour moi, l'effort, ça se négocie pas. Pas négociable. Si les joueurs mettent pas l'effort, c'est non-negotiable. Puis je suis content de voir ça, mais encore là, écoute, pour nos partisans, pour moi-même, le coaching staff, on est même malgré tout ce qui est arrivé cette année, je suis pas content de la situation. Puis on va évaluer ça contre, à la fin d'année. Il va évaluer bien des choses à la fin d'année. Il va évaluer ça. Il va évaluer à la fin de l'année. Hey, tabarouette! Il me décourage, check que ça, boys. Non-negotiable. Fais comme moi sur le chat, le drop un mot en anglais. Non, mais tu sais, il vient dire c'est non-négociable. Tu sais, non-negotiable. Pourquoi tu le dis en anglais? Parce que ça a du punch, c'est ouais. Comme toi qui drop un mot ou deux en anglais, comme you know, it's okay. It's okay. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est le jeu, la CF, CF12 ou TSN, c'est juste ça qu'ils vont passer. Non-negotiable. Ça va être en frontline. The Gazette. Non-negotiable. No excuses. C'est ça. Fait que dernier extrait, c'est un extrait en anglais. Fait, vu qu'il parle en anglais, on voyait, c'est un extrait full en anglais. Bergevin, il y a comme deux affaires là-dedans. Il commente la nouvelle de Renaud Lavoie qui avait dit que Therrien serait de retour derrière le banc l'année prochaine. Gardons tes options ouvertes, Marc. Tu pourrais faire comme, tu sais, genre Radio-Canada, pendant qu'il parle en anglais, tu traduis un temps. Alors, nous sommes revenus. Non, en fait, ça serait plus comme, non, c'est pas vrai que je vais parler de mon coaching staff en ce moment. C'est plus ça qu'il dit au début. Là. Fait qu'on va l'écouter ce qu'il dit en anglais. Il y a bien du bruit, on dirait qu'il est à côté d'une machine à glace. C'est vraiment weird, là, mais en tout cas. Listen, I'm not going to have my coach here today. And I don't believe any reports you read, by the way. Anything else about this today? Until he's full skate with our team. It's I can't give you a time frame, and once he starts with our team, then we'll have to see, you know, about his conditioning and stuff like that. So I don't have a time frame. Is there some point where you just don't even bother because there's so few games left? Yeah, probably April 9. On dirait qu'il est dans une aciérie. C'est comme il te parle. Au début, il parle par rapport au coaching staff. Là, c'est, puis là, il envoie quasiment à chier. D'autres questions avec ça aussi. Non, mais je parlais pas mon coach aujourd'hui. Non, c'est mais c'est à cause de la fois, il commentait la nouvelle de Renaud Lavoie. La nouvelle de Renaud Lavoie qui confirmait que Michel Therrien venait l'année prochaine. Puis un journaliste qui a posé la question si c'était vrai. Genre. Puis l'autre moitié en anglais, il demandait est-ce que tu as un time frame pour le retour de Carey Price? Puis il dit non, pas vraiment de time frame. On évalue sa condition. Puis on dit à partir de quelle date tu vas arrêter d'y croire? Il dit 9 avril. Puis tout le monde est passé à rire. Puis c'est une bien bonne joke. C'est ce qu'on aurait dû traduire comme à Radio-Canada. De notre directeur général. On peut l'essayer si tu veux. Je peux baisser ça. Je ne parlerai pas aujourd'hui. Non, je peux pas. Là. C'est même trop vite. C'est bien trop vite. Puis en plus, c'est la fin de la période. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui de mon entraîneur. Est-ce de qu'il y a mon d'autres entraîneur. Questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions à propos autre de chose ça? Avec ça? On dirait si c'est. Il est dans une aciérie, pour vrai, là. On travaille fort, on s'amuse fort. Ça faisait. C'est bon. Ça parlait de ça à la traque. À la traque. À la traque. Fait que, ouais, fait que c'était les extraits audio de cette semaine. Alors, ça, on a fait 20 minutes d'extraits avec des petits commentaires. Ben, c'est le temps, mais maintenant. Hey, le vous. Non, mais le monde nous a dit bing, hey, dit, votre deuxième période d'extrait, lâchez pas ça, c'est super bon. Alors, vous remplacez le pornographe. Je suis bien content. Je m'excuse, on n'est pas au niveau du pornographe, vraiment pas. On n'a pas une chronique dans le métro le vendredi. Puis on n'est pas plus là pour remplacer le pornographe, mais je suis bien content si le monde aime les extraits. Mais on est meilleur, ça. On a un studio avec des fils collés en dessous de la table, c'est malade. Mais JF a un méchant bel job de recherche, encore une fois. Bravo. C'est lui qui trouve ça. Ben, c'est lui qui me donne un coup de main là-dessus parce que je manque de temps en temps pour ça. Puis JF suit tout. Gros pouce en caméra. Fait que on s'en fait un entraque puis on revient à troisième pour Around the NHL. On est de retour pour la troisième période. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et c'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Tellement suave. Ça sonne bien. Ah, alors, ouais, faisons le tour de la Ligue nationale. Premièrement, il y a JF qui voulait qu'on ait des nouvelles de nos échangés. Donc, on parlait un petit peu de Dale Weis, Fleischmann, puis Devante. Ils vont tous bien et tous nos gars vont mal. C'est à peu près ça. T'avais-tu des stats là-dessus, JF? Ben oui, justement, j'ai des stats. Tomáš Fleischmann est rendu sa première ligne à Chicago avec Jonathan Toews puis Patrick Kane. Hein? Hey, Toews, es-tu blessé cette semaine? Oh, bon. J'ai pas entendu parler de ça. Je sais pas si c'est lui, quelqu'un qui s'est déchiré le talon d'Achille cette semaine. Non, oh. C'est Tyler Seguin. Tyler Seguin, c'est ça. Ouais, c'est pas Toews, c'est Tyler Seguin. Genre 15% du talon d'Achille déchiré. Il va manquer plus qu'une couple de semaines, je pense. Ouais, fait que c'est fini ses playoffs, ça. Ben, je sais pas, il disait 3-4 semaines, sauf que, après moi, le talon d'Achille, quand ça se déchire, ça, c'est pas tout de suite, là. C'est beau. On va essayer. Je suis pas médecin, mais. On va essayer. Moi, je suis docteur, mais c'est jamais, jamais arrivé, là. Aïe. Je suis pas docteur, but I play one on two. I'm a doctor, but I play one on two. C'est chien pour Dallas parce qu'il y a eu une belle saison, puis ça finit. Moi, je suis plus comme, tu sais, Dr. Nick dans les Hey, everybody! Hi, Dr. Nick! Ouais, ça prend un t-shirt de même. Avec ma face. Fait que c'est ça, Tomáš Fleischmann qui a promu sa première ligne à Chicago. Puis selon les stats que j'ai ici, il aurait scoré 3 buts à ses 8 derniers games. Ah ben, j'ai entendu un commentaire. Avec Toews et Kane. Ben, c'est quand même facile de scorer 3 buts avec ces deux gars-là. J'ai entendu un commentaire qui faisait un petit peu réfléchir. Tu sais, pour une équipe comme Chicago qui a de la place pour mettre Fleischmann sa première ligne puis Weis dans son alignement. Tu vraiment une équipe qui est prête à gagner la Coupe Stanley si on a de la place pour ces gars-là? C'est la première ligne, puis... Ben, t'sais, c'est juste weird parce que, dans le fond... Ça, il me semble que, tu sais, genre, sont-tu si bons? Ça veut dire comment ça? Ben, il y a ben, écoute, il y a... Quelque chose qui marche pas dans le team, c'est sa première ligne. Il a mêlé ses cartes, là, mais il y a Andrew Ladd, ils ont quand même Mariano, ça, il y a des gros joueurs. C'est juste weird, un peu. C'est weird, mais, tu sais, on sait tous que Wills... Oui, ça, il est popé dans les playoffs, pareil. Là, il a compté des gros buts pour nous autres. Et tu vois, son troisième dans il dans va faire son pickle. Ouais, puis là, oui, s'il joue sa quatrième ligne à Chicago, puis il joue moins de 10 minutes. Fait que... Son troisième, même avec le wild card des Blackhawks dans l'Ouest. Là, fait que, il est quand même un team popé pour avoir non, de ces gars-là. C'est weird. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Dans une première ligne de mettre Fleischmann en fin de saison. C'est de la place dans l'alignement pour mettre Fleischmann, c'est la première ligne. Ils ont été blessés à Chicago, par exemple. Non, pas vraiment. Ça va pas bien. Ils ont eu comme une mauvaise séquence. Fait qu'ils ont brassé sa soupe, puis ça a donné Fleischmann sa première ligne. Eux autres, ça a marché. Ça a l'air. Ben, ils ont perdu 5-1. Je ne sais pas trop qui. Ah, je sais pas, j'ai pas remarqué. Ils sont fait ramasser un petit peu. Mais là, c'est ça, j'ai vu. Eux autres, ils vont jouer avec Saint-Louis probablement là, dans les playoffs. Là. Ah ouais? Ben, ça, j'ai vu sa division. Ah ouais. Fait que, puis ça, c'est puis Weis qui joue sa quatrième ligne à Chicago. Là, pour moi, c'est sûr que c'est le fun d'être à Chicago, mais j'ai comme l'impression qu'il n'y aura pas le salaire qu'il voudrait. Une chance d'avoir une bague ici. Ouais, ça, il ne peut pas se faire valoir pour monter son salaire. Ça, non, ça. C'est ça. Il va juste avoir une Coupe Stanley, puis après ça, ben. Bon, il y a une bague. Ah, mais un contrat peut-être de 2 millions max. Ah, mais tu sais, quand tu gagnes une Coupe Stanley, par exemple, ta valeur monte. Là. Ouais, mais il faut qu'il fasse de comme quoi. Comme Owen. Ouais, mais plus loin que Valenci. quand tu scores le but, qu'il gagne la coupe. C'est ça. Tu signes un contrat de 4 ans à Montréal. C'est ça, 12 millions. C'est là. Oh, Chris, il a joué 8 ans à Montréal, pareil. Là. 8 ans? Pour vrai? C'est fou, là. Il a signé son premier contrat grâce mon Dieu. Ah non, c'est pas vrai, il s'est fait échanger. Non, il a signé au total 8 ans, mais dans le fond, il a joué 6 ans pour nous autres. Ça commence même trop pareil. C'était tout un joueur, ça. Un athlète, pareil que ça. Ouais, un vrai trooper. Un leader. C'est un bon Jack. Weis, lui, à Chicago, est-ce qu'il fait bien en ce moment? Oui, quatrième ligne, moins de ouais, ça va pas bien. J'ai manqué un bout, je vais le dire. Tu t'es pas, non, je prends une gueule. On veut parler. Bon, ben, non, ça va pas bien pas tout. Mais, quelqu'un sur notre Facebook voulait qu'on parle du cas DSP, mais où était Devante? Il est au Devante est en feu! Il est en feu, il est un petit démon. Deux buts hier. Il est au deux buts, une passe hier. Non, il a gagné 7-1. Écoute, c'est un train, il rentre. Il joue oui, c'est un train, il frappe tout ce qui bouge. Il joue sa première ligne avec Chris. Adam Henrik et Tyler Kennedy. Mm. Il joue, mais pourquoi? Joue quasiment à 20 minutes. C'est ça qu'on attendait de lui à Montréal. Pourquoi il l'a pas fait ici? D'après moi, c'est parce que Michel l'a jamais aimé. Arrête. Écoute. Non, il a jamais fait confiance comme qu'ils font confiance à New Jersey. Non, mais je l'ai jamais vu rentrer un gars à Montréal d'ESPN. Ben, au début, il était une boule de quai. Là. Il frappait du monde, ça frappait. C'est parce qu'on le comparait avec quelqu'un d'autre d'avant qui frappait pas. Il était pas en forme. Okay? Il avait de la misère comme le calice. Là, il a fallu qu'il gagne son poste cette année au camp d'entraînement. Après ça, il dit qu'il s'est blessé à hanche puis il a joué 10-15 games blessé à hanche. Après ça, il a été blessé qu'il a vraiment pas pu jouer. Quand il est revenu, il a fallu qu'il regagne sa place, puis il n'a jamais pu jouer comme plus que 12, 15, même Il a même tapé pas, deux fois pas. 15 minutes, je pense. Deux matchs. L'année. Deux matchs, il a joué plus de 15 minutes. Il a jamais, il dit qu'il n'a jamais pu regagner sa place. Fait que... Puis au New Jersey, tout de suite, boum, ben ouais, mais là, il arrive, Chris, il joue sa première, deuxième ligne. Ouais, mais c'est parce qu'il a mérité sa place pour être sa première ligne. Arrête, lui, ben il n'a pas, pas été chercher, il dit, toi, tu vas être sa première ligne. La première game que je joue, il jouait sa troisième ligne, puis il a compté un but tout en partant. OK, ben là, hey, est-ce qu'il y a un but, on me sent pas. Ben non, mais ils ont, un moment donné, au New Jersey, ça allait pas bien, ils ont mis sa première ligne, puis là, whoop, il a commencé à produire, puis ça part. On va voir comment dans le fond, toutes les teams. Ça veut pas dire que ça va être de même tout le temps. C'est sûr. Toutes les teams qui ont une mauvaise passe viennent chercher nos joueurs qui jouent comme de la merde, qui performent. Dans leur team après ça. Ouais, mais je dis en même temps. Michel, il va, tu sais, il a la misère un peu. C'est pas rapport. Aussi, qu'est-ce que l'équipe vit présentement? Un joueur qui arrive dans notre équipe présentement, il n'a pas vraiment de chance de shiner. Tandis que l'autre, il arrive là-bas. Il y a Chena qui shine. Ok. Bon, passons à un autre sujet. Ben, good for you, Devante. Est-ce que tu nous as fait des larmes de crocodile? Je pense que oui. Il est bien content. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Non, mais c'est quand ça l'a posé. Il a envoyé des messages à l'univers. C'est parce qu'il est arrivé ici, puis Michel, en partant, il a commencé à le blaster devant les médias. Fait qu'il n'a jamais eu la chance vraiment de dépater son entraîneur. Il est fat, il patine pas. C'est comme le gars, il est vraiment pas en forme. Tu t'en vas remis en forme. Ouais, mais c'est le même fucking gars qui joue au New Jersey. Ouais, mais là, il est en forme. Là, ils l'ont tout remis à neuf, puis là, il est parti, puis il joue bien. Ben, c'est ça. Puis regarde Mato. Mato, est-ce fais-tu mieux que DSP? Peut-être l'année prochaine. Cette année, vraiment, c'est pas bon. L'échange présentement. New Jersey, c'est à long terme, par exemple, le Canadien. DSP, là, c'est considéré comme le meilleur trade qui a été fait à la date limite des échanges sur les neuf. Ben, c'est lui qui produit le plus. Ben, ouais, OK. Ouais, c'est check dans cette place-là. Il est pas fou, hein? Ça, c'est quand on analyse granulaire, là, c'est comme... Ben, c'est ça qui est arrivé, Chris. Il produit plus que Drew Ladd. C'est vrai. Ben, ça, fait que là, parlons un peu du meeting des DG, des propositions, des trucs qui sont arrivés. Premièrement, pour les goalers, il va y avoir l'équipement qui va être plus fit. Ben d'accord. Ouais, mais selon, c'est quand même bizarre. Non? Corey Hirsch qui a dit qu'un goaler devrait arrêter une rondelle grâce à son talent et non grâce à son équipement. Ouais, parce que là, bizarrement, les petits goalers, ils ont le petit gros équipement. Mais non, mais c'est la limite de tout le monde. Ouais, non, mais un petit goaler va avoir plus d'avantages à porter l'équipement présentement parce qu'il a l'air d'un bloc. Il a l'air plus gros, Que si Price, par exemple, lui, sa grandeur à Price va vraiment devenir un avantage. Tandis que le petit présentement, avec, tu sais, on l'air décoré maintenant. Ah ouais. Fait que là, c'est ça, l'équipement maintenant va être plus form-fitting. Ça veut dire que vraiment, ils vont être des. Tu sais, ça va être plus serré. Fait que un goaler plus grand va vraiment avoir un avantage d'être plus grand que le plus petit. Ça, c'est un plastron. Comment il s'appelle, Don Tokarski de ce monde. Mais même Scriven, tu vois que tu sais, il a l'air. Ah non, mais ces petits goalers-là font pas longtemps. Les épaulettes puis le plastron aussi, c'est super. Mais c'est quand même correct. Il faut pas que ce soit l'équipement qui fasse toute la job. C'est vraiment. Ça fait que ta grandeur puis ton physique puis ton talent va vraiment avoir. Ça va être plus fit. Il va avoir des plastrons moule-boule. C'est ça. Mais j'ai hâte de voir que ça donnerait comme look de goaler parce que moi, dans le fond, j'ai peur que ça enlève le look de goaler. Mais je pense pas que ça va réduire tant que ça non plus. Les pattes, ça va être une coupe de pouces, pas plus. C'est juste que, tu sais, t'auras plus comme le bloc avec les épaulettes puis juste le plastron, tu sais, que... Je sais pas si vous ça va être plus comme sur leur plus ça sur leur corps. Ça sera plus carré. Moi, j'ai comme l'impression un peu comme les pads qu'il y avait dans le temps, genre plantes, tu sais, comme plus moulé. Ils font pas genre. Ça de même parce que ils sont tellement forts, il faut quand même être une épaisseur. Là. Non, je sais, mais tu sais, un genre de quelque chose de 2.0. Non, mais ça va être plus au niveau des épaules. Un genre de quelque chose de 2.0. 2.0, oui, ça c'est technique. Mais ça va être plus au niveau des épaulettes du plastron que les pads les un bras, peu aussi. Les bras, que ça va être plus mince au niveau des bras. Fait que ça va être plus d'espace entre le bras. Ça donne la place à la consommation. De quoi? Ah. Je sais pas. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu ramènes tout à la drogue. pour être plus gros. Là. Le prochain point, je suis pas sûr que ça a été accepté ou c'est un truc qu'on demandait. C'est une proposition. Enlever le droit de dégager la rondelle pendant les désavantages numériques. Ils en ont parlé, mais c'est pas accepté encore. Okay. C'est une proposition encore qui a été parlée. Mais l'équipement des goalers, c'est accepté ça ou c'est. Ouais, non, mais... c'est toi des propositions. C'est pas ça va être ça, c'est des affaires qui ont été dévoilées que Bergevin a demandé à commenter. Non. Mais c'est pas quoi dire. L'équipement des goalers, l'année prochaine, ils l'ont. C'est fait ça? Cet été, ils ont l'équipement des goalers. Ah ouais. Okay. Les dégagements puis la full 2 minutes. Tu sais, les pénalités ou tout. Ça peut être quelque chose qu'ils fassent, mettons, pendant le camp d'entraînement, qu'ils l'essayent un peu. Les équipements des goalers, c'est cet été. Non, je parle des dégagements. Ça va être testé dans la Ligue américaine avant, tout le temps. Mais ils disent que, anyway, les joueurs, ça, ils disent, ah, mais même si t'es à 4 en désavantage numérique, tu vas faire le dégagement refusé, juste prends-moi un break. Ils disent que ça ne changera pas vraiment grand-chose. Ouais, juste qu'ils ne pourront pas faire un changement. Tu gardes les joueurs pareils, ouais, ça glace. Pas faire un changement. Ouais, mais... c'est que le dégagement va devenir refusé si tu te dégages en désavantage. Tu recommences dans la zone. Fait que si tu perds la mise au jeu, tu es dans la merde, pareil. Là. Ouais, mais tu peux. Il faut voir trouver une façon de la sortir sans la, ouais, sans, mais sans la domper. En désavantage numérique, les gars sont pas mal. Ils bougent pas tant que ça. Non, c'est quand même ça, statique. Fait que tu fatigues bien moins vite. Tu peux t'en faire un 2 minutes et demie. Ça dépend comment la séquence allait. Ouais, mais même là, les gars, tu. C'est ça, pas ça dépend si, si, ouais, si t'as un désavantage qui a encore le même groupe de joueurs que t'avales des avantages puis que ça prolonge, ouais. Mais tu sais, ça arrive pas souvent. Ça peut-tu ralentir le jeu? Ben, c'est sûr, là, ça va. Ça va faire beaucoup plus d'arrêts de jeu pour les, ouais, dégagements, mais. Fait les powerplays sont... vont être rendus moches. Ben, c'est ça. Il faut falloir que les teams s'adaptent. L'autre affaire que je suis d'accord, c'est le. Je sais pas si tu l'as pris, c'est que si tu pognes une pénalité, tu fais le 2 minutes au complet, peu importe s'ils vont marquer un but ou pas. Non, ça, je l'avais pas noté. Ah ouais? Ouais, ça, ils en ont parlé aussi parce que, tu sais, la fausse règle-là était faite pour moi, les Canadiens. Moi, j'aimerais mieux ça que le dégagement. Ben, ça serait. Cette règle était faite pour les Canadiens, ah ouais? Ouais, ce règlement-là des années 50, ça a été fait parce que le Canadien scorait trop de buts. Ouais. Fait qu'ils ont dit, OK, quand on score, c'est fini, tu sais, j'ai sorti, mais là, il dit, bon, mais maintenant, c'est. Il n'y a plus une équipe comme ça qui. Ouais, ouais, qui est. Fait qu'ils ont pourrait revenir aux règles originales que si tu prends une pénalité, c'est un 2 minutes comme ça, un 5 minutes. Mais ouais, c'est, ouais, au complet. Tu le purges au complet. Puis après, tu marques un but. Deux, but, trois, ça, but. Ça, moi, j'aimerais mieux ça que le, ouais, dégagement moi, parce que dégagement, le dégagement, ça va ralentir un peu, non? Ouais, ben, t'aurais quand même le dégagement révisé. Les gars vont le faire anyway. Ils ont, ah, pas, mais pas c'est le choix. Quand même, mais c'est, au moins, ça fait, permet, mettons, aux défenseurs de repartir le jeu. Ouais. Moi, j'aime mieux ça que arrêt de jeu, mise au jeu, ouais, dégagement, c'est, encore. Ouais, mais c'est avantageux parce que t'as une mise au jeu dans le territoire adverse. T'es, ouais, pas obligé de refaire le monter. Tu, mais commences, nous autres, déjà on gagne pas nos mises au jeu. Fait qu'on, ouais, va avoir des on a Dano, là, on a Dano. Ah ouais, on met Dano sur le power play. Let's go. Ouais, pour la mise au jeu. Avec Mato. Après ça, il va changer tout de suite. Un autre point. Enlever le droit de se parquer derrière le filet pendant un change-up. Comme un peu, mettons, au basketball, fait que des fois, les défenseurs ou un attaquant... Garde la puck en arrière. T'aurais 3 secondes. Changement, après ça, il y a pas. Ah, ouais, ouais. Mais t'aurais quoi, un temps? Non, là, c'est vraiment, là, si t'arrêtes là, pip! Ben non, je suis pas d'accord. C'est trop intense, ça. Ouais, ça, pour de vrai, c'est correct. Puis les joueurs s'en attendent, puis ça fuck rien de la game, ça. Là. Ça ralentit pas, même que la game va plus vite. Je sais pas qui aurait pu proposer quelque chose du genre. Je sais pas, mais je vois pas l'utilité. C'est Babcock, Asti. Mais je vois pas l'utilité, c'est comme quoi, ok, je vais juste me mettre à côté de mon net, puis l'autre gars va attendre pour juste passer. Peut-être qu'ils veulent, mettons, donner plus de risques, puis je sais pas, des revirements ou quelque chose dans le genre. Ben, c'est tellement facile à contrer. Ils veulent pas que le jeu soit statique pendant une couple de secondes, ce qui est un peu bizarre là, pour des change-ups. Mais pourtant, je sentais pas que, comme, mettons, de temps mort, vraiment. Non, non plus, là. Il est en arrière, puis ok, c'est change-up. Mais il y en a des fois que c'est plus long, puis le monde commence tout à s'impatienter, mais en même temps, c'est rare que ça arrive. Ça arrive pas souvent que ça. C'est ça, c'est pour ça, ça arrive même pas une fois par que game. Je trouve ça weird qu'il l'ait proposé. Tu sais, c'est comme... Mais il doit bien les affaires dans les heures. C'est ça le problème dans la ligue. Il n'y a pas assez de buts à cause de tout ça. Tu sais, non, ça, je vois pas. Oui, il n'y a pas assez de buts, mais je ne vois pas l'impact. Ça vient de marque. Puis l'autre. Ben ça, c'est, ça vient des Américains qui ne connaissent pas le hockey. L'autre affaire qu'on avait, c'est par rapport au repêchage qu'on a parlé tantôt pour les expansions. Là. Les équipes pourront protéger un gardien, 3 défenseurs, 7 attaquants ou 8 joueurs plus un gardien. Moi, je ferais plus le 8 joueurs plus un gardien. C'est plus risqué. J'aimerais pas ça, mais en même temps, c'est plus risqué. Puis il y a comme, ouais, il y a comme un autre point sur ce projet-là. En fond, les joueurs ayant moins de 3 ans d'expérience en Ligue nationale ne seront pas admissibles. Comme mettons Connor McDavid ou Jack Eichel, c'est des jeunes, pas entry level. Je ferais pas ça, moi. Je les laisserais ouvert, man. Ah ouais. Ça te force à les protéger et à croire à ton futur. Ah non, mais c'est plus dur pour les directeurs. Ouais. Ça donne une meilleure chance pour les expansions. Il faut pas avoir peur de ça. Comme nous autres à Montréal, on protégerait qui, mettons? Ben, man, c'est ça qui est top. Ben, mais c'est sûr que Carey Price, tu gardes. Tu protèges Subban. Tu vas protéger un autre jeune défenseur Beaulieu, genre. Après ça, là, tu vas protéger Galchenyuk. T'as pas le choix. Gallagher. Gallagher. Patcherity, je le protégerais même pas. Ah, peut-être. Ben, je suis pas sûr. Mais combien d'attaquants qui disaient. Attends, là, c'est des joueurs qui jouent dans la nationale à Tampa. Tu peux pas les pêcher dans le Farm Club. Non, là. Non, non. C'est ça qu'ils veulent dire. Là. Fait que là, c'est ça. T'sais, tu sais, Edmonton pourrait facilement. Ben, c'est un contre. Fait un que t'aurais Patcherity, Gallagher, Galchenyuk. Subban, Price. Ouais, Subban, mettons, Beaulieu, tu pourrais protéger. Un autre défenseur, tu protégerais, c'est Petrie, genre. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Ça, je pensais faire Petrie. Puis après ça, en avant, tu protèges qui d'autre? On s'en calisserait pas mal. Non, après ça, faut que tu protèges quand même. Là, faut que tu vois, tu sais, ça te prend quand même un bon centre défensif. Ouais. Fait que tu protégerais Dano, là. Ben, là, c'est ça. Là, ça ouais, c'est quand ça va être dur. Entre lui puis Heller. Si ça se passerait cette année, je protégerais Heller. Penses-tu vraiment qu'ils vont aller chercher Dano? Il y a des gars et tout, tu peux laisser. Déborah, ouais, en pensant qu'ils c'est comme pas le chercher. C'est comme stratégique un peu. Fait que Dernais, lui, serais-tu repêché, tu penses? Non, ben Dernais, je le protégerais pas. Parce que, tu sais. Mais il serait-tu repêché, par exemple? Je pense, peut-être pas. Ben, il y a des teams qui en auraient peut-être besoin, mais pour les expansions, je sais pas. Par exemple, comme Plecky, tu le protèges pas, il y a bien des chances qu'il va partir. Parce que, tu sais, ça, c'est. Ben là, tu es libéré de 6 millions, ça serait genre un rêve. Ouais, ouais. Un rêve. C'est un rêve. Mais. Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rêve. Qu'on se débarrasse de 6 millions, sa masse salariale. Puis qu'on signe Stamkos. Ouais, toi. Fait que c'est ça toute la game, c'est comme il y en a, faut que tu laisses ouvert en sachant que tu sais comme Condon, tu sais c'est tout, tu sais je veux dire, ouais, pas ça Condon, tu vois pas, il faut que tu gardes Price puis ça finit c'est là. Ça, c'est ça, un no brainer. Mais tu sais comme Markov, tu le protèges pas, mais Karen, tu le protèges. Non, mais Karen, tu serais même pas obligé de le protéger. Non, tu laisses dans HL. Ouais. Fait que tu sais, c'est la game d'avant, il ne faut pas avoir peur de ça, mais c'est comme des équipes comme Chicago, là, ça fait que moi, je protégerais 8 parce que... Ouais. C'est sûr que c'est plus avantageux de dire 7-3-1, mais 8-1, c'est ouais, plus ouais, fun. Moi, je trouve ça plus ça, fun. Ça permettrait de protéger peut-être plus de défenseurs si ça te tente. Ah, ouais, c'est ça. Dépend de ton style de team aussi, ouais, c'est ça. C'est ça, si tu veux plus protéger parce que les défenseurs, c'est plus dur à faire, c'est plus dur à monter. C'est le 23 juin, je pense, autour de ça, avant le repêchage, qui vont confirmer si oui ou non, ils vont en expansion. Tu penses-tu qu'ils vont en avoir une? Sens-tu le feeling? Moi, je pense que oui, puis ça va être malheureusement Las Vegas. Mais ça n'aurait aucun sens parce qu'on aurait 31 clubs dans la ligue. Ouais, mais il manque un dans l'Ouest. Fait qu'il nommerait un autre club aussi dans l'Ouest, genre Seattle. Non, juste un. Non, non, Seattle, mais pas pour non, non, là, on a 30 clubs dans la ligue. Ouais. Mais si on a quoi? On a 15, c'est quoi? C'est 16-14. 16 dans l'Est, 14 dans l'Ouest. C'est ça, ça prend deux clubs ça dans l'Ouest. Ça va être 16-15. Non, ça va être 16-15. Ben, ça donne... 31 teams. C'est pas grave, avec l'affaire du meilleur deuxième, c'est de toute façon, Georges Larac l'a dit, il n'y aura pas de team à Québec. Là. Ben, pas de suite. Georges. Georges qui sort des affaires ben, de NHLPA, je suis comme, voyons. Parce que ça n'aurait aucun sens que dans le non, fond, mais comment ça, il y aurait des informations de NHLPA, Georges Larac, en ce moment. Il peut en avoir, mais pour de vrai, la NHLPA, elle embarque full pin là, dans l'expansion. Eux autres, ils sont d'accord. Ben, non, lui, il n'y a pas de chum. Ouais, whatever. On ne sait pas pour ça. Il a dit ça au 91-9, anyway. Là, mais il va en avoir une. Ça va être Las Vegas, c'est sûr, en premier. Parce que... C'est une mauvaise fait choix. Toi, tu penses que s'il y aurait 31. Moi, ben, je sais pas. C'est chiffre impair que je trouve bizarre. Mais... C'est pas grave avec la meilleure deuxième. C'est avec la façon que c'est fait présentement, le nombre arrive pareil. Mais c'est parce que dans le fond, quand tu vas faire ton calendrier de 82 matchs, c'est-à-dire que des fois, tu joues juste une fois contre un club. Ça va quand même être weird. Là, ça fitait, c'était deux matchs contre un club. Ouais, mais ça a toujours arrivé avant. Avant, c'était même des fois le Canadien, ici, on voyait pas l'équipe pendant ouais, deux ans. Oui, parce qu'ils voulaient créer plus de rivalité vu qu'on jouait plus de matchs contre des équipes de l'Ouest. Revenir, ça, c'est pas un problème. Ouais, c'est une équipe que tu vas juste jouer une fois, quoi. Ouais, je sais, mais ça fait. Si on joue juste une fois contre les Coyotes, j'aime pas ça. Quoique je porte le 31 présentement, mais j'aime pas les chiffres pairs, mettons, quand ça rapporte des classements d'association. Par exemple, ça dis pas après ça va devenir 32. Mais c'est juste mais c'est 32, première, ça serait l'idéal. La première équipe, ça va être Las Vegas. La deuxième, ça va être. Ils vont le faire un à la fois. Québec, ils ne pourront pas crisser Québec dans l'Ouest. Là. Non, ça va être dans l'Est. Mais après ça, c'est ça. Il va falloir qu'une équipe dans l'Est déménage c'est dans ça. L'Ouest. Mais le... C'est vraiment ou, pas ou fait. Ou qu'une équipe de l'Est déménage Québec, dans l'Est. Québec, c'est pas fait. Puis avec le taux de change, c'est vraiment loin d'être fait pour l'instant, je dirais. Là. Les gars, il nous reste un petit sujet. Là. Il nous reste un 2 minutes et demie avant que la période se finisse. Attendant que ça va vite à soir. Ouais. Jeff avait mis un sujet pour ou contre le tankage, le tankage. Le tankage. Le tankage, là, de tanker à la fin de saison. Ben, c'était-tu à la fin de saison ou toute la saison, toi, tu parlais ou... Ben, mettons. De finir le plus bas possible dans le classement. Ouais, purpose. C'est genre, mettons, tanker d'ici la date limite des échanges, mettons. Tu là, peux pas perdre on purpose. Tu peux perdre en ayant mis des jeunes d'Hamilton. Mettons, ça, c'est correct. Puis ça passe comme. T'as pas fait exprès d'essayer des jeunes, mais. Puis après ça, le DG, mettons, on se débarrasse de ses joueurs pour avoir de la merde. Tu peux pas faire exprès, je pense. Dans un marché d'hockey comme mander, Montréal, surtout. Tu peux pas mal à tes gars de perdre. Non, mais il y a un DG qui a dit quoi que, genre, dans le fond, c'est quand même bizarre, là. C'est que, tu sais, Phoenix, là, Don Maloney, il a carrément dit, tant qu'à être mauvais, on va s'arranger pour l'être. Pour ben, ça, le DG et la haute direction peut le faire. C'est juste que tu peux pas demander à tes joueurs d'essayer de perdre. Ça, c'est les joueurs, je veux dire, ça ouais, va pas. Joueurs, au niveau du joueur, ça se fait pas. Mais oui, peut-être que le DG, il va s'arranger, puis le coach vont s'arranger. On va essayer des jeunes. Donner des chances de perdre. Ou, justement, ils vont faire des expériences. Ils vont mettre ça sur le camouflage. On donne des auditions aux jeunes. Ben, genre, tu des clubs qui misent, mettons, on va perdre, puis on va aller chercher le premier choix repêchage. Mais ils diront jamais ça. Non, mais parce que dans le fond, c'est comme évident qu'ils vont le faire. Tu sais, c'est comme. Ben là, on va dire que c'est une reconstruction. On dira pas que c'est ça. Ouais, jamais. Ils vont dire on perd pour gagner le premier choix. Ça arrivera pas. Ceux-là sont en reconstruction. Non, mais tu sais, comme Toronto, on s'entend qu'ils se sont pas arrangés, genre, pour faire plus de points. Là. Ah, mais quand même, je trouve que c'est quand même une insulte en face des fans qui payent des billets pour aller avoir tes matchs quand tu te forces pas pour perdre. Mais oui, pour ceux-là qui. Tu sais, je veux dire, mais en même temps, si t'es un fan de hockey, tu comprends ce qui est en train de se passer. Mais en fait, un esti spectacle de merde, tu vois, par exemple, perdre, les billets corporatifs et tout, oui, c'est un tu triches pour devenir meilleur. Ben, tu triches. C'est pas tricher, non. T'as le droit, ben, tu sacrifies les saisons complètes, puis les playoffs, puis les revenus, puis toutes sortes d'affaires. Tricher, ça serait que le goaler, là, il fasse exprès pour se tasser, même pas au début. Non, c'est ça. Ça, ça n'arrivera pas. Mais dans le fond, ils mettent les chances dans leur bord pour repêcher un esti de joueur de malade, tu sais, comme mettons un gars qui va jouer facilement sur le top 3 si c'est un attaquant. Moi, j'aurais genre un règlement que je proposerais. Mais tu peux pas. Mais, ah ouais? OK. Ouais. C'est sûr que ça existe, mais tu pourras jamais le prouver. Hein. Puis c'est pour ça qu'ils disent, oh, t'es en construction. Ah, ben, tu peux pas me forcer à changer mes joueurs comme moi je veux, right? Fait que tu peux pas. Comment que la NHL pourrait dire, ah, ben là, toi, tu tank. Tu peux pas prouver ça, là. Non, mais par contre, tu peux le faire d'une autre manière pour éviter ce genre de situation-là. C'est que à la fin de l'année, mettons, les 15 clubs qui font pas les séries, il y a autant de chances de gagner. Là, tu fais vraiment une vraie loterie. Une vraie loterie de tout le monde. Il y a autant de chances d'avoir le premier choix. Mais cette année, il change un peu, mais oui, je suis d'accord avec ça. Parce que dans le fond, OK, tu sais, t'es comme ça, là, les DG vont dire, ah, ben là, j'aurais pas le choix de gagner pareil. T'sais, tu essaies de changer ton équipe d'une manière différente que de donner tous tes vétérans et aller chercher des choix repêchage puis des joueurs de marge. Il essaierait pas de gagner plus, c'est juste qu'il saurait qu'il serait dans le bas du 15. Ça serait plus compétitif. Il ferait comme le Canadien ferait là. Mais pourquoi? Pour sortir du top 15? Du bottom 15? Mais non, il faut pas essayer, mais dans le fond, ça t'éviterait de faire de la merde pour donner plus de chance parce que là, tu sais, mettons un club comme le Canadien, ça va pas bien, mais si après ça, tu mets 15 boules différentes, là, tu piges. OK, bon, ben, Canadien, finalement, ben, ils ont fini, mettons, je sais pas, moi, 10e, par exemple. Là, tu repêches, puis là, on tombe dans le top 3. Ouais, mais là, rendu là, tu sais, que tu sois 15e ou 30e, t'as plus aucune motivation. T'as autant de chance que tu sois 30e, 15e. Fait que, je veux dire, quand t'es là-dedans, tu vas faire la même affaire que celui qui finit 30e que 15e. Ben, le moins. Ben, si t'es 10e, t'as beaucoup plus de chances de faire les playoffs en fin de saison et de forcer à y aller que de te laisser t'inquiéter parce que tu dis, ah, je vais avoir un choix de repêchage assuré. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Puis ça donnerait plus de. Mettons plus de peut-être de parité, je sais pas, parce que, mettons que nous autres à Montréal, là, on finit toujours dans le milieu, tu sais. On n'est jamais capable d'avoir des choix de top 5 ou top 10, c'est encore plus difficile. Mais là, à ce moment-là, si on veut pas les séries, on est en tabarnak, mais là, ça donnerait une chance au moins à ces équipes-là. Mais cette année, ils ont revisé le tirage. Edmonton, ils ont beaucoup moins de chance. Le pourcentage est mieux, mais encore là, tu sais, tu t'arranges peut-être pour que Edmonton repêche encore premier. Ouais, mais au moins, c'est la pareil. Mais non, mais je veux dire, c'est normal. Ça a toujours été comme ça. C'est de la merde, ça. Arrête qu'Edmonton repêche tout le monde. OK, avant, il y avait beaucoup trop de chance. Cette année, ils en ont moins. Peut-être qu'ils devraient faire encore un petit peu moins, mais c'est normal. Ils sont encore tagués le pays club. Je veux dire, quand tu as une équipe, imagine-toi que tu es un propriétaire d'équipe. Il faut absolument que si tu finis dernier dans la cave, que tu aies une bonne chance d'avoir un bon choix. Parce que c'est la seule façon que tu vas pouvoir t'en sortir. Mais oui, mais à la place, moi, j'aimerais avoir un DG. Là, c'est la faute à Edmonton, mais si qu'il pêche tout croche, là. Tu sais, vraiment, là, j'irais avec, OK, bon, ben, garde, le DG, fait ta job. Tu sais, au lieu de te baser juste sur le repêchage. Ouais, mais Edmonton, ils ont pas fait leur job avec toutes les années. Non, ils ont juste repêché un attaquant. C'est ça, ils auraient pu repêcher à un moment donné, c'est pas moins défenseur. Là-dedans, c'est pas. Tu sais, s'ils auraient repêché deux attaquants, puis deux hosties bons défenseurs, un goaler, on n'en parlerait même pas de ça aujourd'hui. Ce serait comme, OK, pendant 4 ans, ils ont fini de faire ça. Puis ils ont tout eu, puis ils font rien. Parce qu'ils ont mal repêché, puis ils ont pas de goaler, pas de défense. Sinon, ça serait même pas un sujet de discussion. Ouais, ça. C'est juste parce que les compétences de McTavish puis l'autre qui a suivi après puis le style de Trambolini puis le style de coach suisse à la merde qui était pour il était suisse rien contre vous les Suisses là non, non, Doug qui va gagner là, le coach qui venait de votre pays était de la merde là. Il n'a pas toffé longtemps. C'était qui le coach déjà le gars qui avait des posters de Gretzky ça exact. Le gars qui allait vers Legacy pas bon comme fuck quand t'es bon si vous avez pas le droit de voir ça il était pas bon avec les jeunes c'est ça il était pas bon avec les jeunes cave, t'sais. Mais tu sais c'est de leur faute sinon ça serait même pas un sujet qu'on discuterait aujourd'hui ça serait toujours encore aujourd'hui ils perdent pour les mêmes astuces de raison fait que là j'espère que Cherry va faire un move puis il va peut-être sortir c'était quelqu'un pour on a parlé oui, temps parce qu'il a fait des petits moves mais là ça il prend un goaler puis un D là mais là il aura pas le choix de toucher à son noyau pour aller chercher des défenseurs prove me you can take it peut-être qu'à un moment donné ils vont faire un échange avec Montréal parce que selon certaines personnes il y avait une bombe qui allait sauter à Montréal il y a jamais de bombe à chaque fois qu'il y a des rumeurs de bombe il y a jamais de bombe non il y a jamais de bombe la bombe c'est le point que t'as dans le ventre coûterait trop cher ces jeunes là c'est plate parce que j'aimerais bien ça mais ça arrivera pas à moins de sacrifier un jeune, un bon mais jeune. Dans le fond, là, Ryan Nugent Hopkins, là, tu le prendrais-tu à Montréal? Ouais, tu sacrifies-tu Galchenyuk? Non. Parce que that's what it's gonna fucking cost. C'est ça, là, c'est ça. C'est pas ma question, là. Dans le fond, c'est que tu serais-tu c'est sûr, n'importe quoi, comme... tu me dirais Crosby, tu prendrais-tu à Montréal? Ben oui, mais... Non, mais Nugent Hopkins, dans le fond, t'aimerais-tu mieux Nugent Hopkins ou Galchenyuk, par exemple? Mettons, tu aurais choix un ou l'autre. Je donnerais... J'aimerais pas ça, trader un pour l'autre. J'aimerais mieux donner la chance à Galchenyuk juste parce que je... Il n'excite pas tant de ça, nous, Jen Hopkins. C'est pas comme, mettons, un Stamco, genre, tu sais, vraiment un centre reconnu numéro un, genre un Joe Thornton ou, je sais pas moi, un genre de Mike Modano. Mike Modano, aussi, ouais. Ben, genre, un centre de qualité. C'est Sergei Fedorov. Ben, Sergei Fedorov, c'est un bon joueur de centre. Tu sais, nous, Jen Hopkins, pour moi, c'est comme ça, c'est un genre. Bon, matin, il a joué à Edmonton. Ben, tu sais, je veux dire, si s'il joue ailleurs, il ferait 85 pas, puis il ferait dans le top 10 dans la ligue. Je sais pas. C'est on saura jamais. Il a l'air d'un grand meg, esti. Il est un grand sec. Il est tout le temps blessé, esti. Il se blesse à la cheville, puis ses pouces, puis tout ça. Ça serait mieux Eberle. Un allié, ça serait bon. Moi, j'irais pas ça pendant tout. Fait que les gars, le podcast est terminé. Eh oui, c'est fini, esti. Ouais, on vous invite à écouter l'épisode 45 de la Jazette qu'on s'en va enregistrer après ce podcast-ci parce que Alex va être là pour une fois. Pour la première fois. C'est pour ça que personne d'autre est là. Fuck off, Alex. Si on vient pas, il va juste parler de cul, esti, là. De Modelo dans le derrière. Let's go. Puis dans deux semaines, 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, on n'aura pas d'épisode parce que malgré que. This is not fucking baseball! Ben, je vais être au baseball. Contre les Red Sox? Ouais, je m'envoie les Jays au stade. Parce que moi, l'été, c'est le baseball, l'hiver, c'est le hockey. Puis là, il y a comme un conflit d'horaire, puis j'avais déjà mes billets, fait que je veux y aller les voir, là. Puis, on fait pas les séries, anyway. Puis les Jays sont comme vraiment meilleurs que les Canadiens en ce moment, là. Puis là, tant qu'à dire de la merde sur le Canadien, parce qu'ils gagnent juste pas. On va sauter puis on va aller directement au post-mortem là, le 15 avril, là, on vous rappelle. Parce que maintenant, on va parler de toutes les mêmes affaires. C'est ça. Ils sont pas bons, ils sont pas bons. Puis ben, je vous rappelle que cet été, on continue à podcaster quand même. Même si la soirée du podcast ne podcast pas, la jazette va être là à chaque semaine pour pallier l'épisode semaine, qui va manquer. Non, mais chaque semaine. On va enregistrer deux épisodes le soir, deux épisodes de la jazette back-à-back. Là. Ouh! Ça va être un genre de deux heures combinées. On va se mettre en deux. Ça va être merveilleux y voir de la jazette tous les semaines pendant l'été. Tous les jours, un nouvel épisode. Hey, c'est bon. Es-tu prêt? Fait que sur ce, suivez-nous sur Twitter, @soiriespodcast, Facebook, la soirée du podcast. Qu'est-ce qu'on a dépassé le 200 likes cette semaine? Merci tout le monde. Il y a eu comme une vague de likes récemment. Là. Moi, je mets ça sur le dos des mallettes en quête qui nous amènent des fans. Fait que c'est ça, fait qu'on se revoit dans un mois pour la finale de notre saison 2015-2016. À la prochaine tout le monde!